Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich... Aujourd'hui, 12 mai, je suis fatigué et j'en ai marre. Oh, ça fait un bout de temps, comme beaucoup d'entre nous. Marre de les voir gesticuler autour d'un taux de croissance, fatigué des propos guerriers de tel ou tel dirigeant, épuisé de savoir qu'un tout petit nombre d'individus préside en grande partie à notre destinée. Quel rapport avec le monde de l'animation ? J'ai toujours aimé ce monde. Si j'ai voulu m'y lancer à un moment donné, c'est qu'il y avait un côté artisanal que je trouve beau, naturel. Mais ce côté s'est perdu. C'est sûrement bien dans un sens. Sûrement. Mais en fait, je dois vous dire, j'ai lu un article du Film français il y a quelques jours. Quelle idée aussi, hein, vous me direz. Animation. Le SPFA prévoit une masse salariale de 150 millions d'euros en 2017-2018 dans l'audiovisuel. Le SPFA souligne que malgré un léger recul de sa production par rapport à l'année précédente, 353 heures, l'animation française reste à un fort niveau, enregistrant sa troisième meilleure performance historique. Et ceci en se situant bien au-delà de la moyenne des 10 dernières années. Alors oui, la peur a enfin touché le monde de l'animation. Ne pas avoir de boulot, ne pas pouvoir caser tous les élèves qui sortent beaucoup trop nombreuses des écoles, qui elles aussi sont très nombreuses, beaucoup trop. Pourquoi ? Pour la productivité, pour produire afin de se rassurer. Peut-être pas d'être heureux, hein, sauf pour quelques-uns bien sûr, mais parce que pour les autres il faut bien manger. Je suis fatigué aujourd'hui, mais la fatigue n'a qu'un temps. Il va falloir se révolter, arrêter de sourire dans les festivals aux gens du SPFA, le syndicat des producteurs, des profiteurs de films d'animation, qui sont surtout des producteurs liés à l'audiovisuel, des producteurs qui fabriquent des gueules des produits en série pour chaînes sans scrupules. Non, je ne vais pas vous faire le coup de tous pourris, hein, seulement là pour se remplir les poches. Certains de ces producteurs sont de bonne foi, c'est juste que le mauvais goût n'est pas condamnable par la loi. Il va falloir commencer à défendre des vraies valeurs de qualité et arrêter la médiocrité. Il y en a marre de donner au grand public des innombrables suites. Oui, mais c'est ce que veut le public, nous rétorque-t-on. Comble du cynisme de gens qui veulent créer cette entité, le grand public, qui n'existe bien sûr pas, ou alors uniquement en manufacturant des scénarios qui plaisent à la facilité et à la flemmardise du plus grand nombre, moi y compris bien évidemment. Les institutions ont de bonne foi, hein. D'ailleurs, de nombreuses séries ont été aidées par le CNC et les nombreuses aides des régions. Cela aide quelques auteurs à développer des projets intéressants, mais la plupart ne se feront jamais. Les chaînes de télé donnent des aides au développement pour des séries qu'elles ne produiront au final sûrement pas. Ces gens-là n'ont aucune envie d'inventer des canaux pour enfin proposer et produire d'autres choses. Alors aujourd'hui, je propose qu'on imagine une nouvelle société. Une utopie qui se débarrasserait de la production comme unique fondement de notre société. Se débarrasser enfin du productivisme et créer une utopie basée sur les arts, sur les services. Sade demandait aux Français de faire un effort pour enfin devenir républicains, notamment en coupant définitivement les ponts avec leur religion comme associés de l'État. À nous aussi de faire un effort. Oui, je sais que c'est un mal qui gangrène toute la société, ce productivisme à tout va. Mais les choses ont commencé à changer, l'idée de partager des ressources, de réfléchir différemment l'agriculture et de nombreuses autres choses. Je suis persuadé qu'aujourd'hui c'est bien un changement complet qu'il faut et non pas seulement des bouts de réforme. Réfléchissons à un sport pour se dépasser, pas pour être le meilleur, mais pour se dépasser, pour comprendre son corps, pour mieux apprendre ce qu'un esprit est un corps et un corps peuvent faire ensemble. Réimaginons enfin une école qui ne soit pas là que pour inculquer, que pour gaver les élèves, mais qui soit là pour montrer qu'apprendre, c'est beau et agréable. Rendre service aux élèves et aux profs qui reprendraient de nouveau du plaisir. Dans les écoles où je travaille, la plupart des profs pensent plutôt à ce que l'élève trouve du boulot. Je comprends, mais c'est triste si dans des écoles d'art, on pense ça plutôt que de développer l'expression des gens. J'ai des élèves super talentueux avec des idées que je n'aurais jamais imaginées moi en tant que prof. Mais on n'a pas le temps de laisser développer ça. Il faut avoir son diplôme, il faut engendrer de la connaissance, de la technique. Et pourtant, l'art c'est aussi une affaire personnelle. L'art est le domaine que je connais le mieux, mais je suis sûr qu'on peut imaginer ça dans les domaines de la science, de la recherche, de la culture au sens large du terme, des services et tout un tas de choses dans lesquelles le fait de juste produire pour produire n'a pas existé. Oui, je sais, je ne suis pas le premier à avoir des idées comme ça et je ne suis pas fin connaisseur de toutes les démarches des politiques qui ont existé, même si je me renseigne énormément en ce moment. Oui, c'est pour l'instant une utopie. Mais en tout cas, déjà à mon niveau, dans le monde de l'animation, j'ai la chance qu'on me donne la parole. J'avancerai dans ce combat pour une production limitée ou alors réfléchie. Oh, j'y arriverai peut-être pas, je suis d'accord. Mais se battre et ne pas laisser faire, cela me semble important. On a toujours peur du temps, mais au final, ce n'est pas que notre temps à nous qui est important, mais bien celui des idées. I know you're asking today, how long will it take? Somebody's asking how long will prejudice blind the visions of men? I come to say to you this afternoon, however difficult the moment, yes, sir. However frustrating the hour, it will not be long, no, because truth crushed to earth will rise again. Yes, sir. How long, not long, yes, sir. Because no lie can live forever. Yes, sir. How long, not long. How long? Radio Libertaire, bulle de rêve. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Donc, crossover, comme disait Francis Gavel, rebonjour Francis. Rebonjour Alexis. Donc, évidemment, après l'édito All Long Not Long, sublime bande-son du film de Michel et Rick Ranod, que je vous conseille absolument, avec bien sûr l'un des plus célèbres discours de Martin Luther King. La musique est composée par Rick Ranod, le co-réalisateur lui-même, avec cette idée bien sûr que toutes les idées, notamment je vous conseille aussi le film de Bertolt Brecht, l'idée ou cette idée que oui, nous sommes malheureusement condamnés un jour à mourir, mais qu'une idée tient et peut durer, et donc ça c'est important. J'ai voulu, puisque quand Francis m'a parlé de reprise, c'est toujours Francis, faut savoir quand on fait une émission, c'est toujours Francis qui est largement en avance. En gros, Francis fait son émission 2 mois à l'avance, moi 2 heures à l'avance à peu près, hein, pour vous donner à peu près une vision des choses, de comment se passent nos émissions. Quand Francis m'a dit tiens, j'aimerais parler de reprise et on va parler un peu de ça, je me suis dit mais c'est une bonne idée. J'ai eu la chance de voir un film entre-temps, et je me suis dit que c'était une évidence qu'il fallait qu'on parle de ce film-là. On s'est posé la question quand, etc. On attendait un tout petit peu, et je suis très content de recevoir Olivier Cossu. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Pour un film qui s'appelle Un homme est mort, on va parler avec lui et avec Francis notamment. Si j'avais su que Christiane restait, je l'aurais envoyé. Comme ça, elle aurait pu en parler aussi. C'est dommage. La prochaine fois, je le serai pour la prochaine fois. Et je reçois aussi Antoine Bieber. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, je présente rapidement, il a fait Lesat, le DMA de Lesat. Il a ensuite été à La Poudrière où il a fait un film qui s'appelle Petite Mort. On parlera de son film avec lui. C'est aussi quelqu'un qui a été et qui est toujours engagé énormément à un moment donné dans les combats étudiants. Et puis là, il est aussi dans une société, donc voilà, production qui produit pas mal de choses aussi assez militantes. Juste avant de passer à ça, Olivier, d'abord plutôt dans les FX. C'est ça le parcours ? C'est ça. Donc dans les effets spéciaux visuels, on va dire. Voilà. Je viens pas de l'animation, ou alors l'animation traditionnelle qu'on en connaît. Je viens plutôt des effets spéciaux et de la réalisation de clips, de pubs. Et je suis arrivé dans l'animation par les effets spéciaux, justement, en faisant des trucages sur des séries d'animation. Et voilà, en fait, ça a été un petit cheminement relativement rapide, finalement. Ouais. Dans mon esprit, rapide. Je suis très content d'être dans l'anime maintenant. En fait, ça me correspond vraiment, en fait. Ouais. C'est comme si, à un moment donné, on se trouve bien où on est, en fait. Voilà. Il y a des clips aussi personnels, oui, qui mélangeaient. Voilà, en fait, c'est pour ça que je disais de l'animation telle qu'on la connaît, parce que dans tous les clips, dans tous les projets que j'ai fait, il y a de l'anime en fait. Il y a de l'animation 2D ou 3D, et elle est présente depuis le début, quoi. Je suis pas arrivé comme ça dans l'anime, dans les clips. C'est vraiment. C'était naturel d'en faire, en fait. Bah, parce qu'il y avait le côté, justement, moi je viens des effets spéciaux, mais je viens aussi du dessin, de la sculpture, des arts traditionnels, on va dire. Et l'animation, pour moi, ressemblait plus à de la sculpture, justement, ou à du dessin, que rajouter un laser ou effacer un personnage quelque part pour mettre un arbre, ou j'en sais rien. Mais voilà, les deux étaient déjà là avant de commencer. Par contre, j'ai pas fait. Comme notre ami, une école d'animation. C'est bien aussi, hein, ouais. De ne pas faire des écoles, au contraire. Ah non, je le déforme. Et donc, le travail pour parler d'un homme est mort, d'avoir la découverte de l'anime, ouais, je voulais poser, est-ce que tu te rappelles d'un film qui t'a marqué, ou tu t'es dit, tiens, ou comme tu dis, de toute façon, c'était tellement naturel que finalement les films se sont reposés les uns les autres, et puis voilà. Non, je peux pas dire qu'il y en a un qui m'a marqué, justement, c'est. Je me place plutôt dans un univers hybride, en fait. Je veux pas. Je vais pas être influencé plus par de l'anime ou du cinéma pas traditionnel, il faut arrêter avec traditionnel, mais du cinéma prise de vue réelle. Je me remplis d'un peu tout, en fait. Donc il y a pas un film d'animation qui a marqué le début de quelque chose ou un déclic. Comme je le dis régulièrement dès qu'on me pose la question, je suis autant Je ressens autant d'émotions devant une sculpture qu'un plan d'anime, qu'un plan de Sergio Leone, j'en sais rien. Mais il y a vraiment, je fais pas de distinction en fait. Et même, on a déjà eu l'occasion d'en parler. J'ai commencé en disant que je me sentais bien où je suis dans l'anime. Mais si demain je dois faire un film en prise de vue réelle, ça me posera aucun souci en fait, parce que l'important c'est pas le médium ou média, c'est ce qu'on a à raconter. Et si avec une caméra je dis plus de choses qu'avec un crayon, je prendrai une caméra quoi. Voilà. C'est tout simple. Voilà. J'avoue, moi aussi très content. On a fait notamment, alors ça fait là, voilà, on a fait deux rencontres déjà, ça fait la troisième là maintenant même. Et la deuxième était au FICAM, au Maroc, à Meknès. Et on était très contents tous les deux, et j'espère pas que nous, les autres, parce qu'en fait, la table ronde, on a, comme tu disais à la fin, on a parlé plus cinéma. Ah oui, ouais, en fait, j'avais une petite. Justement, parce que je ne viens pas de l'animation, et se retrouver justement au FICAM ou l'année dernière à Annecy, et cette année aussi, et faire tous ces festivals d'animation, et je me sens un peu toujours comme le mouton noir, quoi. On est un petit peu. J'ai pas le même langage, ou je viens pas des Gobelins ou de la Poudrière, et. Je suis un peu sur la réserve en fait, comme si j'osais pas trop parler. Et en fait, cette table ronde qu'on a fait, il y avait Zaven Nadjar, qui est une super rencontre. Et j'ai oublié, producteur des films d'ici, qui produit Funan, Sébastien. Voilà, tout à fait. Et ça a été vraiment une table ronde. Pour moi, c'est un grand souvenir, parce que justement, c'était. Comme je l'ai dit à Zaven en sortant, on était entre amis, en train de parler de ce qu'on aime en fait, et avec toi qui menais bien la barque. Et ouais, je me suis vraiment régalé. J'ai pu parler du film, mais aussi des films. Ouais, c'était vraiment agréable. Et il y avait d'ailleurs Sunao Katabuchi aussi pour Dans un coin de ce monde. Donc c'était assez fascinant en effet. Oui. Et Catherine Roth pour son film sur la révolution d'octobre, donc 1917. Le pilote. Tu travailles en fait sur le pilote du long métrage Un homme est mort. Ouais, c'était en 2014, les armateurs qui ont produit le film et qui ont fait plein de bons gros films d'animation comme Kirikou, Les Triplettes de Belleville, Ernest et Célestine évidemment. Et m'ont appelé donc en 2014, justement par rapport à mes clips qui étaient un peu. C'était un peu différent, quoi. Il y avait des techniques hybrides, justement, il y avait un peu tout mélangé. Et vu que je ne sais pas animer un personnage, moi, je les animais d'une autre manière, en fait, en m'aidant justement de mes trucages, de tout ça. Et les armateurs m'ont contacté pour justement faire le pilote d'Un homme est mort, en me disant c'est un projet assez compliqué, le budget est très serré, et on a besoin quand même de faire quelque chose. De chouette, de sympa à regarder, qui bouge, il y a de la vie. Et donc, si toi, t'as une idée pour nous aider à faire ça, viens. Donc, moi, j'étais sur le pilote pour amener ça, en fait. C'est un peu l'aspect technique. Et quelques temps après, exactement 3 mois, j'étais dans une autre boîte en train de faire des trucages sur une pub super originale. Et la production m'a appelé pour en fait le réaliser, quoi, parce que je m'étais quand même pas mal impliqué dans le projet. Ça a duré qu'un mois, le pilote, un petit mois. On a sorti quelque chose assez intéressant, mais effectivement assez limité pour un premier jet, on va dire. Et au bout de 3 mois, donc les armateurs m'ont contacté en me disant c'était assez bien ce qu'on a fait ensemble, est-ce que tu veux pas réaliser le film? Donc ça s'est passé tout simplement comme ça en fait. Et après il y a eu des discussions sur le scénario, sur tout ça, mais ça s'est fait de manière assez surprenante pour moi. Voilà. On rappelle juste que les armateurs avaient déjà fait ça pour Ernest et Célestine, puisque le trou de mémoire absolument horrible sur le réalisateur d'Ernest et Célestine, c'est la honte. Benjamin Lanière. Ah oui, quand même. Pardon, je suis absolument. Mais comme quoi, il y a 4 ans d'émission, c'est pour ça, là, d'un seul coup. Même si avec un César entre temps. Donc oui, Benjamin Lanière avait été aussi travaillé sur les pilotes et avait été ensuite réalisateur du film. Toi, Francis, tu as vu Un âme est mort. Je sais qu'aussi, alors je sais pas si tu veux déjà faire un commentaire sur le film, tu me disais que tu avais une question par rapport à l'adaptation, et on en arrive à l'idée, voilà comment on adapte une BD, puisque toi qui l'as lu, c'est tiré d'une BD de Chris et Davodo. Oui, alors donc je vais faire une petite présentation quand même, le synopsis, parce que pour les gens qui connaîtraient pas le sujet, donc au point de départ, il y a une BD de Chris et Étienne Davodo, publiée chez Futuropolis. Et qui revient donc sur des événements, puisque cette BD fait partie un petit peu d'un genre documentaire au niveau de la BD, qui revient donc sur des événements qui ont lieu à Brest en 1950, puisqu'on parle de lutte ouvrière, continuons, où effectivement donc il y a des grèves massives, des grèves réprimées, et un jour un homme est tué au cours d'une de ces grèves. Il s'appelle Édouard Mazet, et donc il est décidé, plus ou moins, de faire un film autour des événements qui se déroulent à ce moment-là à Brest, pour d'abord diffuser un petit peu ce qui se passe à Brest auprès des différents piquets de grève, pour porter un petit peu aussi cette parole militante. Et donc, il est demandé à un cinéaste, qui est un cinéaste très engagé, un cinéaste qui est sous le coup de la censure à ce moment-là, pour un documentaire, puisqu'on parle beaucoup de documentaires dans l'émission, qui est Afrique 50, où donc il montre les effets dévastateurs de la colonisation française dans l'Afrique noire. Et donc, ce réalisateur, c'est René Vautrin. Jean Vautrin, René Vautier. Bravo. Donc, René Vautier, bien évidemment. Donc, René Vautier vient à Brest, tourne ce film qui devient donc, puisque tout à l'heure on parlait de la reprise du travail aux usines Vander, c'est un peu aussi un film mythique. Alors là, la différence du film des étudiants de l'IDEC, c'est là où il est encore plus mythique, c'est que le film de toute façon a disparu. Il n'y a plus de copie du film parce que la copie a été usée à force d'être projetée. Il n'y a plus de son non plus du film, puisque le poème d'Éluard qui sert la voix off du film, eh ben lui aussi a été finalement non pas perdu, mais anéanti par une dernière écoute qui est celle que René Vautier arrive à faire à Éluard, où on entend en fait donc un des camarades de lutte d'Étoile Mazet en fait faire sa propre interprétation du poème d'Éluard, qui est voilà un petit peu. Donc ça, c'est pour resituer le contexte, bien évidemment, un petit peu et de la BD et du film. Donc voilà, Un homme est mort, le film donc est tiré de cette BD. Alors après, oui, j'avais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai relu la BD après avoir vu le film, parce que je l'avais pas lu depuis sa sortie, que je voulais un petit peu essayer de m'en rappeler. Alors toi tu n'as pas participé au scénario, à l'adaptation, donc c'est plus une réflexion que je me suis faite qu'une question peut-être à ton adresse, mais tu auras peut-être évidemment un commentaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement dans la BD, qui est où le politique est au premier, est vraiment très fortement au premier plan, dans le film il est un pas en arrière, j'ai envie de dire. Il est un pas en arrière par une adaptation. Alors Chris, qui est le scénariste de la BD, a participé à l'adaptation, donc il y a validation, bien évidemment. Mais qui est d'un seul coup cette introduction d'un personnage féminin qui n'existe pas dans la BD. Ça ne veut pas dire que dans la BD on ne mentionne pas qu'il y a une action des femmes dans ces luttes, notamment par une députée communiste qui est incarcérée suite aux manifestations. Mais il y a cette introduction d'un personnage féminin, et on va créer une romance qui n'existe absolument pas du tout dans la BD avec un des personnages, et qui donc va amener comme ça cette émotion du film, une émotion de l'intime, plus qu'une émotion de la lutte, une émotion du conflit, cette émotion de l'intime. Et il va y avoir, donc pour développer un petit peu ce personnage, moi j'ai envie de dire un hommage au parapluie de Cherbourg, puisque le père de cette jeune fille tient un magasin qui vend des parapluies, et c'est lui qui dans le film va prêter ce fameux magnéto qui va permettre d'enregistrer ce poème d'Éluard. Alors c'est ça qui m'intéressait. Donc je sais pas, est-ce que tu avais lu toi la BD avant d'arriver sur le projet ou pas? Non, en fait Un homme est mort de Étienne Davodo écrit, je ne l'avais pas lu, j'avais lu autre chose de Étienne et de Chris, mais pas Un homme est mort en fait. Donc j'ai découvert tout le premier jour du pilote. On m'a expliqué, voilà, on va adapter ça, Un homme est mort, et Le scénario était pas terminé à l'époque. Ouais. Donc il y avait donc pour revenir d'ailleurs sur le scénario qui est de Guillaume Motalan et Sébastien Roussel, c'est eux les scénaristes du film. Chris avait fait une première version de 200 pages pour un film d'animation. Non. Forcément, c'était pas ce qu'il fallait. Et donc Sébastien et Guillaume sont arrivés ensuite pour c'est vraiment des pros de l'anime, ils savent ce qu'il faut pour un scénario. Et ils ont vraiment refait pas mal de choses partout. Et c'est là qu'on a vraiment eu un scénario de film d'animation, qui n'est pas forcément la même chose qu'un scénario de film prise de vue réelle. Il y a vraiment des... C'est pas des codes, mais il y a des choses à... Ne serait-ce que parce que ça va être animé, il faut réfléchir les choses un peu autrement. Et c'est là que moi aussi j'interviens, quand j'ai pas écrit le scénario. Mais donc, pendant la fabrication du film, il y a encore eu réadaptation, quoi. Il y a eu des changements dans le script, pour vraiment... parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, et des choses qui étaient aussi un peu compliquées au niveau de techniquement, et au niveau de l'histoire. On a enlevé quand même pas mal de scènes pour redonner un peu de dynamisme. Et le fait que, justement, il y a un personnage féminin qui a été intégré, et qu'on soit un petit peu en retrait au niveau politique, paradoxalement, j'ai envie de dire que c'est pour, au final, presque mieux faire passer le message, en fait. C'est-à-dire que ça permet d'être moins brut. Alors, d'ailleurs, je vais dire quelque chose avant de dire le reste. C'est-à-dire qu'au départ, moi, quand j'imaginais le film, et je fais un gros pont pour arriver à la musique, j'imaginais un film sans musique et vraiment me rapprocher de quelque chose d'assez documentaire, brut, caméra épaule, même par rapport au scénario que j'avais sous la main, hein, c'était pas tout refaire, non, je veux un film qui ressemble à ça. Non, c'était par rapport à ce que j'avais, c'était aussi possible de faire quelque chose un peu plus documentaire, très brut. Donc après, en se penchant vraiment dessus, moi aussi j'ai changé mon point de vue, j'ai apporté des choses, mais l'aspect documentaire, il y a encore, je trouve. Il était là au départ avec la BD, mais le fait d'intégrer un personnage féminin avec une petite romance, pour moi, ça permet de mieux faire passer l'émotion aussi, mais aussi le message du film qui est de parler des ouvriers, de lutte. C'est un peu une manière d'amener le regard du spectateur sur une histoire continue, on va dire, pour pouvoir lui montrer les autres événements, en fait. C'est-à-dire que laissez-vous prendre par la main et suivez-nous dans l'histoire de Tisef et Paulette, dans leur histoire d'amour, qui est quand même, je tiens à relativiser les choses, qui est quand même pas non plus, qui prend pas une place énorme dans le film. Là aussi, ça a été pendant la reconstruction un peu du script et du scénario, où moi aussi j'ai vraiment baissé le niveau de. Pas le niveau, le curseur dans le côté romance, parce que ça me convenait pas vraiment de ce qui s'est passé, et je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus, un peu plus simple. Et donc c'est pour ça que le moyen d'amener le spectateur à s'intéresser à ces événements, s'il y a eu la BD en fait, où tout est vraiment pédagogique presque, avec des dates précises, des faits, des noms, ça a été fait. Et le film permet vraiment de proposer pas une nouvelle lecture, mais une approche différente qui va avec un public différent, un public pas de BD, mais de film, où juste... je pense pas que on aurait pu, et on a les premiers retours, ramener autant de personnes et d'émotions et d'intérêt sur le film si on avait été beaucoup plus justement documentaire, finalement. Voilà. En fait, par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai pas l'impression que la BD soit pédagogique, même si effectivement il y a des dates. Moi, je pense que je la trouve beaucoup plus radicale, en fait, dans son approche. La BD raconte vraiment les faits que les faits. Enfin, Oui, mais après, j'ai envie de dire que je la trouve peut-être plus radicale dans sa manière. Oui. C'est plus ça. Et moi, ce qui m'interrogeait quand j'ai vu le, donc ces éléments d'adaptation, c'est de me dire, voilà, donc d'un seul coup, ça devient un projet. Donc il y a une télé qui s'intéresse, qui se met sur le film. C'est ici en l'occurrence c'est Arte, qui pourtant n'est pas TF1. Et je me dis, on passe quand même par le prisme de l'émotion et on met le curseur un peu plus vers l'émotion, c'est à mon sens, hein, et moins vers la pensée. Je veux dire, voilà, on doit, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, et pourquoi pas, mais on prend par la main. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours prendre par la main? Pourquoi? Alors, je peux répondre, non pas en tant que réalisateur, moi j'ai pas du tout ressenti ça. C'est vraiment quelque chose. Alors moi j'ai pas lu la BD. Je me suis, en fait, quand je savais que j'allais faire, non pas je me suis refusé, c'est juste, je l'avais pas. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais le découvrir. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas ce prisme de l'adaptation qui est toujours, on sait bien, complexe. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé justement qu'il y avait notamment, et par rapport à Reprise, des choses intéressantes qui moi me questionnaient. Et j'ai pas tellement. J'avoue que cette histoire d'amour m'est passée un petit peu, je suis passé un petit peu en complètement à côté finalement. Et il y a surtout pour moi cette idée de que peut apporter l'art au militantisme. C'est-à-dire que cette confrontation entre les ouvriers et le cinéaste qui vient un peu comme en terrain conquis. Les ouvriers ont l'impression qu'il y a un côté un petit peu. On arrive, il arrive, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces images? Et finalement, cette fameuse phrase, hein, mais quand il dit mes armes, c'est les images, René Vautier, et on lui fait dire ça, enfin, dans le film. Et en face, c'est vrai, oui, mais c'est pas avec les images qu'on va changer les choses, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à Cannes. Et j'ai trouvé justement, alors, peut-être dans une vision, peut-être, j'étais peut-être plus politique ce jour-là quand j'ai vu le film, mais encore une fois, sans avoir lu la BD, donc pas du tout par rapport, bien évidemment, à l'adaptation. Et je trouvais que justement il y avait ce côté très très très fortement politique par rapport, en d'autant plus, à un long métrage d'animation qu'évidemment à une BD où on n'est pas du tout aussi, et c'est de la politique et c'est du militantisme, on n'est pas du tout dans les mêmes prix, on n'est pas du tout évidemment aussi malheureusement dans les mêmes obligations. Ouais, je tiens vraiment à revenir sur la romance, en fait, qui, moi, telle que je la vois dans le film, elle est vraiment, je vais pas dire anecdotique, mais elle représente une petite place dans le film. Elle permet justement d'intégrer un personnage féminin qui va servir de lien à pas mal de choses dans le film, justement le magnéto avec son père, et à révéler aussi un peu le personnage de Petit Zef. Comme d'ailleurs, là on parle de Paulette, le personnage qui a été intégré dans la BD, mais il y a aussi dans le film, mais il y a aussi Marie, la mère de Petit Zef, il y a sa sœur. En fait, c'est pour ça que la romance, je tiens vraiment à préciser qu'elle tient pas une place énorme dans le film. C'est vraiment le rôle de ces femmes qui vont, un, faire ressortir le personnage de Petit Zef et lui permettre de dire des choses. Qui est un personnage assez rustre et silencieux, et qui là va s'exprimer aussi un peu grâce à elle, en fait, et exprimer ses idées par rapport à cette lutte, par rapport à ce qu'il ressent dans ce contexte. Et ça aurait été un peu plus compliqué de lui faire sortir ça, en fait, dans ses émotions, dans sa colère, avec des phrases, avec des mots. Lui, il s'exprime plutôt de manière physique, avec de la violence, il va taper un peu sur tout ce qui bouge. Et là, en fait, on arrive au final, grâce à Paulette, quand je dis Paulette, c'est le personnage, pas la romance Paulette et Petit Zef, grâce à ce personnage, on arrive à faire sortir des choses c'est un moyen détourné de lui faire dire les choses, en fait. Plutôt que de... Parce qu'on a besoin de lui faire dire ces choses-là, sa colère, avec des mots, avec des phrases. Moi, j'en avais besoin, en fait. Après, les autres regardent le film quand ils veulent, mais moi, j'avais besoin qu'il l'exprime. Mais je voulais pas qu'il l'exprime de manière... à ce moment-là, tu dois l'exprimer, donc vas-y, parle. Là, c'est un personnage qui l'amène à... Dans ses extrêmes, en fait, avec une scène, notamment, je vais pas en parler, mais qui va vraiment, lui, le pousser à exprimer tout ce qu'il a en lui, et aussi... là, il a son meilleur ami qui est mort. Il a gardé pas mal de choses en lui. Il n'a pas sorti tout ça. Et c'est au fur et à mesure du film que sa romance, on va dire, hein, disons ce qu'il en est, sa romance va aussi va le faire sortir et lui faire vivre ce qui se passera à la fin du film aussi. Donc voilà, c'est comme si les personnages féminins, ils avaient été intégrés. Parce qu'elles ont eu un vrai rôle dans cette période et après la guerre. Et tout simplement, parce que c'est elle qui tenait la baraque, qui tenait toute la ville. C'est elle qui s'occupait de tout. Et sans elle, je pense que ça aurait été assez compliqué pour tout le monde. Donc, vraiment, le fait d'intégrer Paulette et, je redis, Marie et Claudine, c'est vraiment un moyen de faire ressortir pas mal de choses d'autres personnages aussi. Oui, parce que, voilà. Alors Francis, avant que tu répondes, juste, je voudrais que tu me dises aussi, parce que moi, quand on m'avait parlé de la BD, on disait que justement, par exemple, les personnages, là, cette espèce de diversité, de pluralité qu'il y avait déjà en France à l'époque, et notamment les femmes, à part peut-être cette femme, donc, mais c'était finalement peu représenté. Dans la BD, finalement. Alors, effectivement. Et que c'est un mode d'homme blanc, finalement, beaucoup dans la BD, qui a un petit peu changé. Justement dans le film. Alors ce que je tiens à préciser aussi peut-être pour te rassurer Olivier, c'est que quand j'ai vu le film, non mais c'est important. Moi j'ai lu la BD à la sortie et je l'avais pas relu depuis. Elle est dans ma bibliothèque, elle est considérée comme un des ouvrages BD importants, incontournables. Puis Davodeau en tant qu'auteur l'est bien évidemment. J'ai envie de donc d'un seul coup je me suis dit mais je me rappelle pas. Est-ce qu'il y avait ces éléments? Ce qu'on a appelé cette romance, cette présence féminine dans la BD. J'étais d'un seul coup face à une interrogation. C'est pour ça que j'y suis retourné en me disant est-ce que... Et donc après, j'ai eu ce questionnement, moi, par rapport évidemment à cette adaptation, mais plus par rapport après à des soucis de... j'adapte, je passe à la télé, donc bah alors, je vais revenir dessus. D'ailleurs. Alors, très rapidement, très je voudrais qu'on passe ensuite aux thématiques et aux autres choses, mais ouais. Pour être clair, c'est une volonté de tout le monde de la production et d'Arte d'intégrer des femmes l'aspect romance justement était beaucoup plus fort ce que tu disais tout à par rapport aux demandes d'Arte et c'est moi qui l'ai calmé justement, c'est pour ça que j'ai tendance à me justifier et argumenter là-dessus par rapport au premier scénario qui était vraiment elle était très présente cette romance et moi ça ne me plaisait pas, je voulais vraiment arriver à quelque chose qui moi me convienne et qui soit réaliste et pas justement trop fleur bleue quoi. Et voilà. Si tu veux juste et je rends évidemment la parole à Alexis ce qui se passe par rapport tu parlais du personnage de Tizèf, en fait on peut dire que le point de vue dans la BD c'est celui de Vautier. Ah oui, le personnage qui démarre c'est Vautier. Et ça, c'est du début important. À la fin et les confrontations dans la BD elles sont entre Tizèf et Vautier en fait. C'est de la confrontation qu'il a avec ce cinéaste qui arrive, comme tu disais, en terrain conquis, tout en étant quand même un cinéaste très militant. Donc pas le plus, c'est pas Michel Hazanavicius qui arrive à Brest. C'est que d'un seul coup, effectivement, c'est les conflits qu'il a avec Vautier qui l'amènent à porter son expression. Que là, effectivement, vous avez pris un autre biais dans l'adaptation et que le personnage central, c'est plus Vautier, c'est Petit-Zef. Ça aussi, c'était aussi une volonté d'être plus avec les ouvriers. En fait, en se mettant au niveau d'un ouvrier dans ses yeux, plutôt que d'être plus témoin et d'être René Vautier en fait, comme dans la BD. Là, ça me permettait de développer vraiment ce côté-là qui m'intéressait, d'être avec les ouvriers, de vivre avec eux dans leur quotidien, dans les baraquements, sur les piquets de grève. Alors oui, c'est un gros changement par rapport à la BD. C'est un changement de point de vue. Voilà. Voilà, juste. Et c'est super intéressant évidemment parce qu'on parle de cinéma donc c'est passionnant à cette idée mais on va faire déjà une pause là on va écouter juste le morceau qui doit être le morceau juste après qui est Frank Zappa Stick Together qui est tiré de The Man from Utopia de 1983 où Zappa critique j'en parlais ce que sont devenus les syndicats à l'époque hein. Ils disent que voilà ils suivent des règles qui ne s'appliquent qu'à quelques-uns et il dit cette phrase très dure le mouvement syndical a eu la malédiction de la mafia donc voilà il compare évidemment le syndicat et les mafias et la mafia. On écoute Frank Zappa Stick Together, restons ensemble groupés. This is a song about the union friends, how they fucked you over and the way they bend the rules to suit a special few, and you get pushed every time they do. Hey, hey, hey. You know we idea was good. If only they'd have done what they said they would. It ain't no better, it's making it worse. The labor movement got the mafia curse. You know we gotta stick together. You know we gotta stick together. You know we gotta stick together. Toujours la même chose, vous le savez, les invités, c'est très bien, parlent pendant évidemment la musique, même si c'est dommage, parce que très beau morceau de Frank Zappa, 83, Sting to the... C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là, faut toujours que je râle. Oui, c'est fou, hein, pardon. On va continuer, on va faire juste, j'aimerais présenter, puis après on va repartir, parce que j'aimerais voir comment aussi l'engagement, et on va parler plutôt des thématiques. Je vais juste donner la parole à Antoine Bieber. Antoine, toi, t'as fait un film qui s'appelle Petite Mort. Est-ce que, et qui parle donc de sexualité masculine d'une autre manière, on va dire, qu'elle est représentée. C'est vrai qu'on a un cruel manque de diversité dans la représentation masculine. On est souvent dans la gaudriole, des choses un petit peu faciles. Et là, de montrer même, il y a des témoignages très, très, très touchants, gens qui disent même que ça peut être compliqué, que ça peut être dur, ça peut faire mal. Enfin voilà, c'est pas que, soi-disant, le plaisir. C'était important de traiter de ce sujet-là pour toi? Oui, c'était, enfin, c'est quelque chose qui, enfin, je pense, touche tout le monde déjà. Et oui, c'était important de prendre un autre angle. En fait, au début, je voulais parler de sexualité masculine. C'était mon angle de départ. Et je suis parti vraiment à faire les premières interviews comme ça, en me disant, enfin, avec pas plus d'angle que ça, ce qui était une grave erreur. Et en fait, la question de est-ce qu'on allait, enfin, de l'angle est venu après, c'est-à-dire au moment de la sélection des interviews, jusqu'à très tard, je me suis posé la question. En fait, au début, je voulais faire un film qui montrer que chacun pouvait avoir une façon de vivre sa sexualité qui était différente et qu'en gros c'était pas qu'il y avait autant de façons de vivre sa sexualité que de personnes. En fait, c'était ça pour moi l'axe du film, ce que je voulais raconter. Et en fait, au moment du montage son, s'est posé la question de est-ce que je gardais des représentations de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire avec une vision très machiste de la chose et performative. Enfin, est-ce que je gardais des intervenants qui avaient cette vision-là, ou est-ce que je choisissais de couper ça et de garder ce qu'on a moins, enfin, de laisser plus de place à ce qu'on a moins l'habitude d'entendre, c'est-à-dire voilà, le fait que parfois ça marche pas, parfois c'est compliqué, mais parfois c'est plaisant aussi. Enfin voilà, c'est des complexes en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a un plaisir aussi, alors là, qui est autre, du dessin. qui est quand même présent évidemment énormément dans le film. Ouais. Il y avait ce jeu avec les corps était important aussi dès le début. Ouais, du dessin et du mouvement. Enfin, c'est venu pareil au milieu du film parce que en même temps que je fabriquais le film, je suis allé voir un spectacle de trampoline et ça m'a vraiment fasciné. En fait, je me suis pas juste dit j'ai vu du trampoline, je trouve ça super, je vais le mettre sur ce son là. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui répondait dans la courbe, dans le fait voilà qu'il y a un point culminant, que ça retombe. Puis l'aspect répétitif, ça m'intéressait aussi parce que dans le film c'était hyper important pour moi de parler notamment du fait que ça peut être en plusieurs fois, c'est pas forcément une courbe unique. Voilà. Le jeu de la transformation, peut-être aussi avec la rencontre avec, même si tu connaissais déjà avant, mais Koji Yamamura, pas de bêtises, pendant les études à la Poudrière. Ouais, réalisateur ouais. japonais. En tout cas, ça m'a le fait de le rencontrer, ça m'a poussé à avoir une réflexion là-dessus. Clairement, il est venu faire une semaine où il nous parlait un petit peu de ses réflexions théoriques sur l'animation, et c'est clair que la figure de la métamorphose est tellement importante pour lui que ça a joué un grand rôle dans les questionnements que j'ai eu sur le film, on va dire. Alors je vais vous poser une question, en fait là on va essayer de, entre Olivier et Antoine, évidemment Francis tu es toujours bien évidemment le bienvenu hein, pour non Olivier veut pas mais je comprends mais si c'est ça qui est intéressant justement et vous avez tous les deux eu à vous confronter à deux manières compliquées d'écrire et de faire un film. Toi Olivier, en faisant un long métrage avec un budget, si j'ai pas de bêtises, aux alentours d'1,3 million. Non, 5. 1,5 million, ce qui, pour 1h10, faut avoir une heure. Le minimum, c'est 3 millions aujourd'hui, quasiment. Hein, pour faire 1h20, la plupart, voire évidemment, on peut monter jusqu'à 10, 12. Je ne parle pas évidemment des choses à 42 millions, comme il y en a certains, en plus souvent très mauvais évidemment. Mais en tout cas, par rapport au côté long métrage, un peu d'auteur, on va dire, c'est entre 3 et 10 millions. Ce qui fait que d'un seul coup, là, on a quelque chose qui est différent. Et ma question, comme ça, vous répondrez après. Toi, tu l'as créé dans un système qui est celui de la Poudrière, où vous avez une durée de 3 minutes qui est limitée, vous ne pouvez absolument pas dépasser. J'aimerais savoir comment on contourne ça, comment finalement on joue avec ces problématiques. Olivier. Alors nous aussi on avait une durée à pas dépasser qui était de 1h06 en fait, générique compris. Non, c'est, parce que, la justement, télé, c'est, ça, parce c'est, que c'est un film pour la télé, c'est un pour Arte. Donc oui, il y avait cette première contrainte qui au final n'en est pas vraiment une parce que on a coupé dans le film, donc il y avait de la matière. Mais c'est, je dirais pas que c'est compliqué, parce que moi, disons, déjà à la base je suis habitué aux projets un peu compliqués et où il y a des petits budgets ou une mauvaise production. Là c'était pas le cas du tout, hein, je tiens à le préciser. Ah, mais alors pas du tout. Et justement c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été vraiment compliqué, malgré le petit budget. On a réfléchi autrement, on a fait une petite équipe, très vite on s'entendait tous bien, on se comprenait très vite. Et la force du projet surtout, c'est d'avoir tout fait au même endroit en fait. Et ça peut paraître un peu normal en fait, mais non. D'habitude un film d'anime c'est fait aux quatre coins du monde, et encore maintenant, hein, et les séries c'est pareil. Et là ce qu'on a fait, c'est qu'on était tous dans la même pièce en fait, on était à Paris. Le son a été fait en Bretagne, à Rennes, avec des comédiens bretons, je tiens à le préciser aussi. Donc en fait tout a été fait au même endroit, et c'est-à-dire qu'à côté de moi j'avais le designer de personnages, la graphiste qui faisait les textures, on était tous là en fait autour du bureau, et dès qu'il y avait un problème en fait c'était réglé dans le millième de seconde. C'est, là, c'est pour que les gens comprennent, c'est que voilà. Tu pouvais regarder directement, voilà. Et pas attendre et que ça revienne exactement d'internet, c'était pas ce genre de choses, ouais. par internet avec un tableau que le réalisateur remplit une fois par semaine, et pendant une semaine tout le monde va dans le mauvais sens en fait. Et les animateurs, ils étaient dans la salle d'à côté parce qu'ils étaient un peu plus nombreux, hein. Mais même les animateurs en fait, on n'a pas eu une grosse équipe, ils étaient 12 pour tout le film, Donc c'est, tout était réduit, mais tout était simplifié par cette proximité et aussi par le fait que toutes les personnes, les graphistes qui ont fait le film, pour être clair, en fait, savaient tout faire. En fait, c'est-à-dire que Marion, qui nous a fait les textures et les décors, bah, elle a compris tout de suite le principe de la 3D, parce que aussi il faut préciser que le film est à la fois en 3D et en 2D. 3D pour les décors et 2D pour l'anime des personnages. Donc 3D quand on parle d'animation, c'est évidemment animation par ordinateur, voilà, par relief. Hein, surtout par relief. donc là, voilà, les décors, justement pour des raisons économiques, ont été faits en 3D. Parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'on n'avait pas beaucoup de décors, où c'était des lieux récurrents. Il y avait six lieux où tout se passait, en fait. Donc plutôt que de mais moi, je voulais quand même avoir une variété de cadres et une liberté dans la mise en scène. Donc soit on se ruine et on fait un décor pour chaque plan, on le redessine, soit on modélise justement en 3D nos décors, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, en tant que réalisateur, je peux cadrer comme je veux, quoi, parce que j'ai tous les angles de caméra sont possibles. Et ça, vraiment, c'est une contrainte économique qui, au final, moi, m'a apporté une liberté dans la mise en scène. Et donc, la contrainte du budget, alors peut-être parce que voilà, c'est ce film où on n'avait pas besoin d'en faire trop, qui était sobre. J'ai pas envie de dire que le prochain, j'ai pas envie de plein d'argent, mais là pour celui-là, ça a pas été vraiment une énorme contrainte. En fait, on a réfléchi autrement, on a fait en petit groupe et on a réussi à faire un film que Arte n'attendait pas. Voilà, c'est-à-dire que par rapport au pilote et ce qu'on leur a livré. Quand je dis livré, ça fait vraiment marchandise, mais c'est pas le cas. Mais le produit final, pour aller au bout de l'idée, c'est vraiment autre chose. Le niveau est vraiment largement au-dessus de ce qui était prévu. On dit pas trop ça correctement payé. On dit pas trop, hein, des fois, ce genre de choses. Est-ce que tout le monde était. Parce qu'on sait que des fois en animation, on le sait bien, surtout sur les projets comme ça, tiens, tu fais un bout de storyboard, tu fais ça pour le même nombre d'heures, etc. C'était des conditions normales et avec. La production, les armateurs, ça pouvait pas être autrement. C'est assez carré quand même. Tout a été facile parce que c'est bien géré au niveau de la production, au niveau de l'artistique, au niveau des équipes. Voilà qu'en fait, c'est une bonne rencontre de tout le monde au bon moment, dans les bonnes conditions, où tout le monde allait dans le bon sens. Et surtout quand on parle d'un film engagé où tout le monde s'est impliqué. Je viens pas juste faire un dessin comme ça, c'est que je m'intéresse au projet, je sais où on va il y avait vraiment des manifestants dans le groupe, quoi, dans l'équipe, ils étaient vraiment à fond, quoi. On a besoin de ça, je le disais tout à l'heure aussi, on va avoir besoin de ça. Toi, Antoine, quand on fait quelque chose qui est complexe, hein, sexualité masculine, comme tu dis, d'un seul coup, 3 minutes, on se dit, je vais y arriver, je vais pas y arriver, je vais changer absolument de projet très rapidement, ou non, un projet tellement important qu'on. Oui, mais en fait, comme tu avais commencé la question par la durée, moi, comme c'était quelque chose qui était posé dès le départ, je me suis pas vraiment battu compte. J'ai fait un film dans la durée qu'on m'avait imposée, ce qui engendre une certaine frustration, mais je sais pas, quand on a une matière documentaire comme ça, je pense que de toute façon on en a toujours à la fin d'un film de pas avoir tout mis, quoi. À l'essentiel aussi. Ouais. Et oui, et en plus ça a permis de faire des choix artistiques, je pense. Et par contre, oui, une relative difficulté, ça a été de parler de sexualité masculine. En fait, ce qui était un peu étonnant, c'est au tout début, quand j'ai présenté le projet à l'école, je m'étais préparé éventuellement à avoir une réponse sur le sujet, que ça irait pas ou quoi, et en fait j'ai eu presque pire que ça au tout début, une espèce d'absence de réponse. Je ne savais pas si les deux personnes à qui j'ai présenté le projet en début d'année ne m'ont pas donné d'avis. J'étais obligé d'aller un peu le chercher derrière. Et en fait, c'était ça qui était un peu difficile au tout début. La gêne d'un seul coup de parler de ça, c'est-à-dire que tu pensais que c'était un sujet qui était peut-être. Je pense que c'était faire un documentaire sur ce sujet-là dans le cadre de l'école. Non, mais dans le cadre de l'école, faut juste nous expliquer un tout petit peu. La Poudrière, c'est une école qui à la base prépare à faire des films. Enfin, en tout cas qui encadre les élèves pour faire des films avec une narration classique, donc plutôt des fictions déjà, et avec une réflexion, oui, sur une narration qui est classique. Donc on part d'une idée, on écrit un scénario qui va tenir en 3 minutes 30, et voilà, le but c'est d'apprendre ça. Donc forcément j'étais un peu hors clou, c'est-à-dire que quand les autres commençaient à chercher des idées, moi j'étais en train de faire les interviews. Quand ils ont commencé à écrire le scénario, moi j'étais en train de refaire des interviews, parce que les premières étaient catastrophiques, ça faisait 4 heures, c'était impossible de couper quelque chose dedans. Les réponses faisaient 10 minutes, donc c'était même pas possible d'en isoler une pour faire une histoire. Donc j'ai refait des interviews à ce moment-là, et quand les autres ont commencé le storyboard, moi j'étais en train de monter. Donc j'étais en décalage avec le cadre de l'école. Après, je pense qu'inconsciemment, je l'ai un peu cherché. Enfin, en gros, moi, la première année, j'avais joué le jeu de travailler des scénarios classiques et des choses comme ça. Et puis, voilà, pour mon fin d'études, j'avais envie d'essayer quelque chose qui n'était pas. Ça m'avait pas plus que ça attiré. Donc, j'avais envie d'essayer autre chose. Avant de laisser la parole à Christine, quelque chose à dire. Juste, c'est stressant quand on est produit. Si je dis pas de bêtises, c'est produit par Arte. Quand on est sur son film de fin d'études comme ça, on se dit qu'on a Hélène Vessière, qui est à la fois un personnage évidemment important pour nous dans l'animation, et à la fois quand même un personnage qui peut faire un peu peur, hein, des fois, ou non, de toute façon, encore une fois, le sujet était, de toute façon, c'était la chose la plus importante, et puis. Alors, moi en fait, ça s'est très très bien passé. Enfin, en tout cas, j'ai vu Hélène Vessière une seule fois. On a beaucoup discuté du film. Enfin, ce rendez-vous a beaucoup apporté au film, et c'était pas. Enfin, je pense que ce qui était stressant, c'était la période, le laps de temps entre apprendre que Arte avait pris le projet et rencontrer Hélène Vessière. Mais après, voilà, c'était une angoisse, je pense, logique. Mais une fois que ce rendez-vous était passé, moi, en fait, le gros avantage du documentaire animé, c'est que, une fois que j'avais monté le son. La structure du film était là, en fait. C'est très facile pour n'importe qui de se projeter dedans, en fait. Pour moi, c'est la grande force de quand on fait du documentaire en animation, c'est que voilà, une fois que le son est posé, après à l'image, on a une liberté presque totale. C'est se rendre compte, on en reparlera avec l'autre invité, évidemment, à quel point la musique, évidemment, et le son est absolument fondamental. Christiane, tu voulais dire quelque chose? Je voulais simplement dire, mais il a un peu répondu à la question que j'avais posée, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas parti d'un découpage ou d'un story, tu es parti en fait d'un montage son, ouais. Et tu as monté les images sur le son. Ouais, en fait. Parce qu'il y a plusieurs écoles. Hein. Ouais. Là, c'est parti du son, je voulais partir du son. Et au tout début, alors ça ça fait partie d'un petit peu des contraintes qui viennent de l'école, mais au tout début, moi je m'étais dit je vais faire des rushs, ce qu'on fait jamais en animation parce que ça coûte de l'argent. Mais j'étais en école et je voulais en profiter. Au début, j'étais parti dans l'idée d'écouter toutes les interviews et de faire des rushs pendant ce temps, parce que bon, je savais que j'avais une technique assez économique qui permettait de faire plus d'images que nécessaire pour le film. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, ça a un petit peu coincé. C'est-à-dire qu'on a commencé à me dire, en plus avec la nouvelle carte, était un petit peu sur le projet, que c'était bien de faire un storyboard quand même. Enfin, de donner ce que je peux comprendre, en fait, à partir du moment où il y a un commanditaire, en fait, sur le film, il y a des contraintes qui se posent dessus. Mais je désespère pas de faire ça un jour, en fait, de pouvoir avoir le temps de faire un film où on se permet. En fait, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait de faire un vrai travail de montage. Alors, on fait du montage en animation, hein. Enfin, il y a une étape de montage sur les films, mais c'est quand même très très préparé en amont. Et moi, faire cette expérience-là, d'avoir vraiment la longueur pour faire des essais de montage, remplacer des plans par d'autres, etc. Et avec des plans finis, c'était une expérience que j'avais envie de faire. Alors, ça fait 2 heures, on a déjà tenu 2 heures, Francis Gavel, Alexis Huneau, pour ce mélange des deux émissions. Je vais vous proposer, pour que mon dernier invité vienne s'installer avec nous, on va continuer à parler évidemment d'engagement, et on va revenir un petit peu bien sûr sur Un homme est mort. Et on peut le dire maintenant, Un homme est mort passera donc sur Arte, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, donc c'est on a la date depuis pas longtemps. Quand j'étais invité, en tout cas, il n'était pas encore ouais, ça. Mais ça fait un moment qu'on la réclame quand même. ça sera le 13 juin à 22h30 ou à 20h30, c'est encore on ne sait pas trop. On croise les doigts pour 20h30 quand ouais, même, ce sera important. Ça sera dans le cadre d'une le cadre d'une soirée animation française. D'accord. Voilà. Et ça aurait été bien aussi que ça soit sur une plutôt par rapport au. Bah oui. Ah, bon, ça va. Bon, donc allez, on attend, on espère. Passe, on espère. Donc, ouais, voilà. Ouais. Et la veille, on sera projeté à Annecy. Voilà. On va revenir en 1988 dans son album Viva Hate. Morrissey rêvait de voir Margaret Thatcher sur une guillotine. Nous, on rêverait d'en voir plein d'autres, hein, Poutine, oui. Trump, Macron et consorts. Si vous arrêtez de vous arroger le droit à nous imposer vos délires. Pierre Gattaz, pourquoi pas aussi, hein, bien sûr, président du MEDEF et tant d'autres qu'on aimerait voir sur la guillotine. Morrissey dit car des gens comme vous me fatiguent. Quand est-ce que vous allez mourir? Et gens du peuple, gens, voilà, les kind people, n'abritez pas seulement ce rêve, faites-le réalité. Ce serait bien quand même. On écoute Margaret on the Guillotine de Morrissey. On remercie Nicolas pour ses 2 heures de réalisation et on revient juste après. À tout de suite. Have a wonderful dream, Margaret Guillotine. People like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Francis Gavel au micro, avec Alexis Huneau, qui, à un instant, va, ce thème dit, vas-y, parle. Bon, bah, alors, donc, vous êtes dans ce fabuleux. Ah, merci Olivier. On a eu une discussion passionnée et forte à l'antenne, mais merci d'être d'accord avec moi pour. Vous êtes un ennemi comme ça. Chut. Donc, vous êtes dans ce fabuleux crossover qui a commencé à 17h, puisque nous sommes une bonne série américaine. Et puisqu'on parle de série américaine, on va parler d'un petit peu de Chris Marker. Voilà une manière de continuer à être transversale sur ces évocations des mois de mai, des différents mois de mai. Alors Chris Marker, en ce moment, il y a une exposition qui vient de débuter, hein, c'était le 3 mai, à la Cinémathèque française. Elle aura lieu jusqu'au 29 juillet. Et donc c'est une émission C'est une exposition dans laquelle on retrouve plein de documents qui viennent des archives du cinéaste, plein de choses. Il y a les films qu'on peut voir en entier. Alors ce qui est assez étonnant, c'est comme les films sont dans des petites salles les unes à côté des autres, parfois on a le son du film d'à côté, enfin, mais en tout cas les films sont projetés souvent dans leur version complète. Voilà, c'est une exposition très dense et on a l'impression qu'elle est comme ça, comme si on était chez Chris Marker, où on imagine que voilà, il y en avait partout, et donc là il y en a pratiquement partout. Et donc un des commissaires de l'expo, donc qui est Jean-Michel Fredon, qui est critique de cinéma, a retrouvé, ben voilà, justement, un projet de Chris Marker, puisque je parlais de séries américaines, et ce projet, c'était de faire débarquer Star Trek en mai 68. Et il y a un texte, donc, qui a été publié dans Le Monde, qu'on peut trouver sur Internet sans problème, qui est en accès libre, du Monde, et qui, ce sont les quelques lignes, de Chris Marker sur ce projet Star Trek. Et je vais juste me contenter de vous les offrir. Donc le texte date du 22 juillet 86. Il est important de savoir que le 22 juillet, c'est mon anniversaire. Voilà, on continue. Comment il arrive à le placer comme ça? Bon, on y va. Metrek, 1968, Outline. Pour les infortunés qui ne sont pas familiers de l'univers de Star Trek, quelques mots d'introduction sont nécessaires. Star Trek, série culte de la télévision américaine et qui a donné naissance à trois longs métrages de cinéma, met en scène l'équipage d'un vaisseau spatial, l'Enterprise, parcourant la galaxie à la recherche d'aventures bigarrées. Tous les mots sont, je le rappelle, de Chris Marker. Le capitaine Kirk, son second, Monsieur Spock, un Vulcain aux oreilles pointues, le docteur McCoy, les lieutenants Chekov et Zulu, un japonais, car l'aspect multiracial du futur est soigneusement entretenu, sont devenus des personnages légendaires aux États-Unis. Leonard Nimoy, qui joue Monsieur Spock, et se trouve souvent en position de prendre le commandement à bord de l'Enterprise, s'est à ce point identifié à son rôle qu'il a tenu à mettre en scène lui-même le troisième des longs métrages précités. Une des situations classiques de la série consiste à mettre les aventuriers en face d'une planète inconnue, dans un coin du système solaire où se déroulent des événements bizarres. Un personnage dominant, souvent du type savant fou, médiatise le conflit qui s'ensuit, toujours évidemment résolu par la victoire des forces du bien sur le désordre qui s'était instauré. Quelquefois, la planète en question ressemble à la Terre quand ce n'est pas la Terre elle-même, surprise dans un autre repli du temps par l'application plus ou moins cohérente du paradoxe de Poincaré. On a vu ainsi le capitaine Kirk affronter des gangsters de Chicago pendant la prohibition et même se trouver en présence d'un sabotage d'une fusée spatiale à Cap Kennedy en 1969. Je suppose qu'on a compris où je voulais en venir. Un faux épisode de Star Trek où le jeu temporel fait débarquer nos héros à proximité de la Terre en mai 68, où ils suivent les événements de Paris sur les moniteurs de télévision, où ils appellent, par télétransportation, certains des protagonistes à venir leur expliquer ces péripéties auxquelles ils ne comprennent goutte. Mais me paraît une manière possible de contourner les pièges évidents d'un film commémoration de mai 68. Ni montage de documents, déjà fait à plusieurs reprises, y compris par moi-même, ni défilé de témoins, projet réalisé pour France 3 par Daniel Cohn-Bendit, ni fiction ou parafiction à la Romain Goupil. Un module familier aux jeunes spectateurs, c'est-à-dire surtout c'est à eux que je pense, traité volontairement sur un ton de légère parodie, ce qui n'empêche nullement d'y glisser des thèmes graves, posant comme hypothèse de départ un éloignement et une ignorance du sujet qui ne doivent pas être très différents de la vision de ces jeunes spectateurs, la possibilité d'utiliser des écrans de contrôle comme support de documents réels, mais aussi des personnages de science-fiction comme porteurs d'ellipses ou de résumés périodiques, les fameuses fins de chapitre qui précèdent des pubs dans les séries classiques. Tout cela me paraît, à condition de le bien réussir, un gage de liberté. Un autre avantage est que Star Trek étant à l'origine une série fauchée, ce qui fait partie de son charme, sa reconstitution ne poserait pas de très gros problèmes budgétaires. Un studio ou un hangar aménagé avec une naïveté concertée en vaisseau spatial de fiction, utilisant des téléviseurs, de petits ordinateurs et même des gadgets électroniques courants, comme s'ils étaient des objets de haute technologie, quelques trucages élémentaires faisant voler dans un espace à la Méniès des ustensiles électroménagers sur fond de rugissements synthétisés, des documents choisis parmi ceux dont nous pouvons disposer gratuitement ou à bas prix. Pour situer les frais, environ une semaine de tournage 16 mm en studio ou local préparé, 5 ou 6 jeunes acteurs et quelques seconds rôles, le reste est affaire de bonne organisation préalable et d'imagination. J'ajoute que je verrais fort bien André Dussolier dans le rôle du capitaine et dans celui du savant fou Cornelius Castoriadis, qui n'aurait même pas changé de nom. Bien entendu, le projet n'en étant qu'à sa toute première phase, ils ne sont ni l'un ni l'autre au courant de ces hypothèses, mais des raisons de penser que la curiosité et le goût de l'aventure professionnelle de l'un, le sens de l'humour de l'autre, ne rendent pas les dites hypothèses totalement absurdes. C'est signé Chris Marker, cinéaste. Wow. Après Hervé Leroux, Chris Marker, décidément, ce soir, Francis fait des prouesses avec ses longs textes en plus. C'est jamais évident. Merci beaucoup. Francis, on va finir de parler évidemment encore et d'engagement. On a fini, mais on reçoit Pierre Caillet. Bonjour Pierre. Bonsoir Alexis, même. Bonsoir. Compositeur de films, on a déjà reçu ici il y a très très longtemps. Et on avait un petit bonhomme avec nous. Bon, même un peu plus grand que moi. On avait le réalisateur Franck Dion avec nous aujourd'hui. Il est venu l'année dernière, c'était il y a 2 ans maintenant, il avait eu 1 an et demi au PIAF. Même le jury lui avait donné un coup de cœur parce que vraiment ils avaient adoré les 3 films sur lesquels il avait travaillé cette année-là, qui était en compétition, qui était Dans les eaux profondes de Sarah Vandenboom, Rêve d'enfant de Christophe Gérard, merci. Et le dernier était Une tête disparaît, donc de Franck Dion. On va finir d'abord il y aurait plein de choses à dire, mais c'est vrai que maintenant que le film passe aussi, on va plutôt donner envie Un homme est mort que de trop en dire. Ce qui m'intéressait dans vos 2 films, entre Petite mort et Un homme est mort, même si Un homme mort, j'ai juste de me rendre compte juste à l'instant dans le film, mais ce qui n'est pas la chose la plus importante évidemment, non, c'est qu'il y en a un qui plonge dans le passé pour tenter, je pense, je pense pas que j'en dise trop si je dis la dernière phrase. Est-ce que ça t'embête si je dis la dernière phrase ou qui dit pas grand chose, mais sinon ça t'embête? Bon, je dis pas la dernière phrase alors. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le long du film, on a l'impression qu'il y a toujours, même si je trouve que des fois il y a peu d'espoir, on a vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose qui est difficile. Hein, à ce moment, il est devant la mer comme ça, tourmenté, on sent vraiment la difficulté. Il y a une volonté quand même à la fin d'essayer de se dire tous ces combats qu'il y a eu à cette époque-là, en 1950, sont encore évidemment là, présents aujourd'hui. Ça, c'était quelque chose qui était important dans la trame du film. Tout simplement, l'espoir, il y est, parce qu'on en parle en fait. Et il vient de là l'intérêt du film, quoi, pour moi, pour tous ceux qui ont participé. C'est vraiment de parler des choses en fait, et ça peut paraître loin comme ça, c'est en 1950, sauf que il se passe la même chose aujourd'hui, et donc le simple fait de pouvoir en parler, justement de pouvoir en parler, d'avoir le droit d'en parler, ça veut juste dire qu'il y a de l'espoir en fait. C'est pas dire que ça va finir bien ou quoi, c'est on en parle, donc on peut espérer que les choses un jour changent, et surtout d'amener quelque chose donc qui s'est passé en 1950 aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens d'ailleurs sur la romance. Excuse-moi. Excuse-moi, entre les deux. Non, mais le fait d'avoir une histoire justement plus romancée, et quand je dis romancée, c'est pas histoire d'amour, c'est romancée, une fiction, ça permet aussi à un public plus jeune de rentrer dans le film, qui avec des images plus brutes, plus où on raconte pas une histoire, justement, on montre les choses telles qu'elles sont passées, même si on les montre quand même de manière assez crue des fois dans le film. Ça permet justement à un public qui n'a jamais entendu parler de ça, de rentrer dans ça et de s'y intéresser, d'avoir une réflexion là-dessus, et comme je dis, de pouvoir, on a le droit d'en parler. On a le droit d'y réfléchir aussi, et on peut y réfléchir, et c'est un devoir d'y réfléchir, de faire en sorte que de changer quelques trucs pour que ça se reproduise pas. Ou d'ailleurs, ça, il y a eu un changement à l'époque, c'est-à-dire que il y a eu vraiment une prise de conscience à la fois des ouvriers qui avaient perdu leur ami, mais aussi des forces de l'ordre. Il y a, c'est pas pour leur passer la pommade ou quoi, mais il y a vraiment eu les forces de l'ordre, depuis, il y a eu une réflexion, une prise de conscience comme quoi il fallait peut-être faire un peu plus attention, et ça tire plus comme ça, quoi. Même s'il y a encore des accidents, c'est comme ça, il y a encore des accidents, et, mais cet événement, et ça permet aussi de le dire au jeune public, il y a eu des choses qui sont passées suite à ça. Et nous, dans le film, c'est aussi une passerelle entre une génération et une autre, de dire, là, vos parents, vos arrière-grands-parents ont vécu ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous comptez faire plus tard? Ou même maintenant, en fait. Là, c'est maintenant qu'il faut agir. Et commencer à... C'est pas l'idée, c'est pas de leur mettre un poids comme ça et de leur dire, maintenant, tu te bouges et tu fais en sorte que les choses changent. C'est commencer à réfléchir, je parle vraiment des tout petits, hein. On a eu des projections sur tout petits, non, c'était des sixièmes quand même, donc c'est pas si petit que ça, mais, non, mais par rapport 10, à ce, 11 ans, ce genre de film, des pré-ados, quoi, voilà. Sur des 10, 11 ans qui ont retour par rapport à ça, qui me posent des questions vraiment. Il y a eu une séance, il y a eu deux séances et on en a fait une ensemble à Image par Image, où moi je me disais, ça va être un peu catastrophique avec des. Alors là, c'était plus grand, disons. Ouais, hein. Ça ne va pas les intéresser. En fait, ils ont quasiment rien dit. C'était assez étonnant. Hein. Ils ont rien dit. Et d'ailleurs, ils ont réagi sur des petites scénettes. Oui, c'est drôle d'ailleurs, que sur la romance. En fait. Parce que moi, justement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent sur les petites histoires d'amour entre Petit Zef et Paulette. Et au final, ils réagissaient là-dessus. Ils réagissaient sur des images plus dures. Il se passait quelque chose. Et moi, en tant que réalisateur, j'ai passé 18 mois à faire le film. Ce qui n'est pas beaucoup, d'ailleurs, par rapport au budget. J'ai passé du temps, j'ai à peu près calculé mes effets. Là, il va forcément avoir une réaction ici. Et en fait, quand on le montre à des gamins, ils explosent tout. En fait, c'est plus du tout ce que nous on avait prévu. Et c'est là que moi je découvre aussi le film. En fait, ça provoque ça chez eux. Donc, ça peut provoquer aussi une certaine réflexion. Et vraiment, à la fin des projections, je redécouvre le film par rapport à ce qu'ils me disent, quoi. Et alors, il y a eux, il y a aussi un public plus âgé qui était sur place à ce moment-là, en 1950. Et même si c'est une adaptation de la BD qui elle, est plus réaliste, on va dire, qui est plus dans ce qui s'est passé à l'époque, au final, tout le monde s'y retrouve, en fait. Parce qu'on parle des ouvriers, donc on parle aussi de ce qu'ils ont vécu, eux. Et eux, ils étaient pas aussi proches de René Vautier, forcément, ils l'ont pas suivi dans son aventure, ils étaient pas là quand ils ont filmé. Par contre, ils étaient là dans les baraquements, ils étaient là à la manif. Et nous, ce qu'on montre, c'est plutôt ça. Tous, 100% des personnes qui ont vécu ces événements, qui nous disent à la fin, c'est le Brest que j'ai connu, c'est à la même tête que Brest dans 1950, et les événements, ils se sont passés comme ça, en fait. Des rues, ils ont reconnu des rues, des petites scènes que nous on a mis dans le film qui eux aussi ont vécu. Donc, effectivement, on est moins politique, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus réaliste parce que aussi dans la vie de tous les jours, il y a des petites histoires aussi. La vie de tous les jours, c'est aussi du cinéma et c'est ce qui est intéressant, quoi. Voilà. Alors Olivier, juste avant de passer là par Antoine, on pourrait dire plein de choses. Hein. Le temps passe et on peut pas. Moi, en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Il y a une vraie mise en scène. Hein. Moi, j'aime toujours ces plans avec d'un seul coup quand il y a un premier plan, l'échelle devant, des choses comme ça. On a l'impression d'être avec une caméra qui est réellement présente, on va dire. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Les questionnements actuels, ça, j'en ai parlé. peut-être parce que si Olivier tu viens des FX, beaucoup de choses qui sont dans les fumées, dans il y a quelque chose de très vivant dans le film aussi grâce à ça, grâce à tout ce qui est. Bah en fait moi j'ai vraiment conçu le film comme si j'avais une caméra en fait en prise de vue réelle et parce que justement je viens de la prise de vue réelle et pas de l'animation, j'avais pas les codes de l'animation. Et d'ailleurs ça a été on va dire que le premier voire le deuxième mois de fabrication du film, ça a été plus un échange et l'apprentissage dans le langage commun entre les vrais animateurs qui ont la bouteille et qui ont fait des films d'anime et qui savent exactement comment se servir de comment faire un film d'anime, et qui moi ne le savais pas vraiment. Donc et par contre je savais comment on faisait un film prise de vue réelle. Donc, c'était un échange vraiment et de dire bon maintenant on va essayer d'employer ces termes là, bon toi tu dis ça, moi je dis ça, mais ça veut dire la même chose. Et au final, on a des cadres qui ne se font, des cadrages, des valeurs de plan qui ne se font pas toujours dans le cinéma d'anime traditionnel, et qui là, dans un homme est mort, sont plus présents parce que justement, moi, j'avais pas envie de me bloquer dans des formats, des codes. Bah là, on fait comme ça parce que on peut pas dessiner autrement. Bah si, on va essayer et en fait on y arrive. Juste tu sors un petit peu de ce qui se fait habituellement et on y arrive. Voilà, ça c'est important évidemment. Ouais. Hein, le regard de quelqu'un qui n'est pas de l'animation sur des gens d'animation en leur disant. Mais je rappelle, aussi moi partout. Et aussi bien sûr. Non, je rappelle toujours évidemment hein, quand Wells arrive évidemment et qui connaît pas, qui vient du théâtre et qui dit qui propose finalement des choses qui sont impossibles soi-disant et que finalement ben les choses évidemment peuvent se faire. C'est bien d'avoir ce regard-là. Dernière petite chose pour clore, encore une fois il y a tellement de choses à dire pour clore. Moi je pense en tout cas quelque chose qui est important et je trouve que justement Reprise m'a posé énormément cette question-là qui est cette que peut apporter l'art au militantisme. Encore une fois, une veillée ce n'est pas une place pour une caméra, et ça reprend sur Reprise qu'il faut absolument aller voir, qui pose notre rapport à l'image. C'est un amour de l'image, c'est un amour du cinéma aussi, c'est un amour de ce qu'on peut faire finalement avec les images. Et ça, je trouve que les deux films, en tout cas bien différents, mais se retrouvent là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait avec une image et finalement comment on la colporte et qu'est-ce qu'elle veut dire finalement. L'importance. Ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est comment on fabrique Olivier, un film. Puis après, ouais. Comment on fabrique un film, et dans le film, on le voit en fait. Il y a toutes les étapes de fabrication d'un film dans le film. Donc c'était aussi intéressant de faire entrer un peu ce milieu du cinéma dans le milieu ouvrier. Et que les deux communiquent aussi bien en fait. Voilà. Francis, une dernière petite chose. C'était juste anecdotique, hein, mais je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui pourrait être intéressant, justement, effectivement, c'est d'organiser ces fameuses séances où on va avoir, pas face à face, mais côte à côte, sur des sujets proches et avec des traitements qui vont être différents, eh ben, un film d'animation, un film prise de vue réelle, prise de vue continue, comme t'auras envie, ou live. Mais voilà, que les deux soient côte à côte et qu'on puisse avoir, effectivement, des débats avec les auteurs, avec les créateurs eux-mêmes. Et tu parlais justement, Olivier, à juste titre, de ces moments où on va se parler, on va échanger, on parle pas tout à fait la même langue, mais on la parle quand même un petit peu, et comment on sort de sa zone de confort pour les uns comme pour les autres, pour arriver finalement à une troisième étape, et justement confronter ça. Et c'est peut-être la nouvelle voie pour l'anime aussi, et le cinéma. Quoi. On y arrivera un jour à avoir un festival. C'est que cinéma justement d'animation, il y a autant le terme animation que cinéma. Tout à fait. Exactement. Antoine, toi, est-ce que, puisque c'était aussi toute la base de cette idée d'engagement, il y avait non seulement cette idée de parler, en effet, d'un sujet qui était important pour toi, en tout cas, mais il y a l'idée de cinéma d'animation comme cinéma d'engagement. Je sais que t'es beaucoup engagé à un moment donné dans le mouvement étudiant. Maintenant, ça c'est passé, mais donc voilà aussi, à chaque fois qu'on parle, c'est faut que les gens soient bien payés, etc. Il y a vraiment c'est une véritable important, c'est cette idée de l'engagement. Il y a cet aspect-là de faut que les gens soient bien payés sur les productions, qui a un aspect technique, mais aussi dans ce qu'on raconte. Pour moi, c'est hyper important que ça part toujours d'une envie politique quand je fais un film. Enfin, c'est de parler d'un. Sur la sexualité, c'était pas forcément très très évident, mais là, moi, les prochains projets sur lesquels je travaille, c'est retourner à. En fait, moi, je me suis engagé un petit peu politiquement là avec le mouvement étudiant. J'ai appris un petit peu comment fonctionnaient les syndicats, je rentre dans ce milieu-là et je me rends bien compte que il manque toute une partie de l'histoire. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est. Enfin, tu avais l'air d'opposer tout à l'heure les deux films, enfin, comme si. Enfin, il y avait une. Je sais pas, raconter des luttes passées et être sur des luttes c'était actuelles. C'était pas opposé. Ouais, hein, c'était, au contraire, non, c'était vraiment. Ça, c'était la façon dont tu présentais les choses, mais je pense que. En tout cas, moi, je sais que. Ah, comment je me fais engueuler par mes invités. En tout cas, moi, là, en ce moment, je suis dans un. Enfin, dans les projets que je suis en train de mener, je suis dans un truc où je me rends compte qu'il me manque toute une partie de l'histoire parce que il y a un moment où il y a un truc qui a été rompu de notamment du culture de ce que c'est l'histoire du syndicalisme. J'ai découvert il y a un an, parce que j'ai commencé à parler un petit peu de ça à mon père, que mon père était syndiqué. On n'a jamais parlé de toute cette histoire. Non, mais enfin, c'est quelque chose. Je sais pas si ça a été très important pour lui dans sa vie encore, j'ai pas encore eu l'occasion de lui en parler assez, mais c'est quelque chose, moi, le fait de l'apprendre si tard, ça m'a un petit peu heurté, enfin, ça me questionne. C'était tabou? Non, c'était pas tabou, je pense que pour lui, ça a pas autant d'importance que ça l'a été pour la génération de mon grand-père qui a eu beaucoup de choses par ça. Je pense que lui, il a cette culture-là parce que mon grand-père l'avait et a transmis ça. Mais justement, il manque ce truc d'histoire un petit peu d'importance de ses luttes aussi parce que je pense que dans ma famille, mes parents sont un peu sortis du monde ouvrier, donc c'est forcément moins important pour eux, on va dire, les acquis qui sont liés. Voilà. Pardon, merci beaucoup. Je vais être obligé de vous couper. C'est dommage, mais bon, faut toujours avancer. Et je vais demander à Erwan, s'il te plaît, de passer un extrait, donc 30 secondes, 35 secondes, du premier morceau, s'il te plaît. Hop, et d'un seul coup on est à l'antenne et vous avez entendu, voilà, on boira des coups tout à l'heure. Avec cette musique dans Les Eaux Profondes de Sarah Vandenboom, Pierre Caillet obtenait le prix de la meilleure musique à Clermont-Ferrand notamment. Il n'y a pas beaucoup finalement de possibilités, je pars sur autre chose, mais de possibilités d'avoir des prix finalement dans le monde de l'animation quand on fait de la musique, hein, à Annecy, un peu à Clermont, mais il y en a un peu plus, mais après on fait pas forcément ça pour avoir des prix. non je sais bien, mais c'est vrai que c'est toujours agréable, de voir que son travail a... Mais comment t'es arrivé dans la musique? C'était quoi? C'était très très petit déjà, tu jouais ou non? C'est plus tard, comment c'est passé? Écoute, comme à peu près tout le monde, j'ai fait du piano quand j'étais petit. Il y a des gens qui font de la trompette, d'autres du violon. Enfin, moi c'était du piano, ça m'a amusé beaucoup, mais j'étais un gros fainéant. Et j'ai assez vite lâché l'affaire parce qu'il fallait travailler, sinon le professeur il était pas content, tout ça. Donc, voilà, mais j'ai fait quand même pas mal de piano. Et puis... plus tard, quand j'étais ado, j'étais plus fasciné par les synthétiseurs. Donc j'ai travaillé pendant mes vacances d'été à droite et à gauche pour économiser plein d'argent pour pouvoir m'acheter un synthétiseur, et je me suis retrouvé avec un truc énorme avec des boutons partout qui faisait poète poète. Enfin, c'était génial, j'étais fasciné par ce truc là mais je me suis dit bon, peut-être que je vais prendre des cours d'instrument pour pouvoir faire des choses avec. Et en fait, je suis tombé sur un professeur de piano qui était pianiste de jazz et qui m'a embarqué directement dans le jazz. Donc je me suis retrouvé à suivre les cours avec lui. J'ai monté un quartet avec des amis au lycée. On a commencé à faire des tournées et tout. C'était l'aventure. Mais il y avait quand même... plutôt musique classique, pardon. Enfin, musique plutôt, qu'on va appeler. Plutôt, ou... à l'époque, là, c'était plutôt du jazz, oui, tu vois. Ouais, du jazz, pardon. Et Et pareil, je me suis aperçu que si je voulais quand même continuer dans ce métier-là en tant que pianiste, eh ben, il fallait travailler tous les jours, faire des gammes, des accords et tout. Et c'était pas un truc pour moi, en fait. Donc je suis passé en musicologie. De la même manière, c'était des études certes intéressantes, mais c'est pas vraiment l'endroit où on apprenait à faire de la musique non plus. Donc bref, de fil en aiguille, j'ai fait des choses à droite à gauche, et puis je me suis retrouvé dans une école d'arrangement de jazz parce que je me suis aperçu que c'était l'écriture qui m'intéressait le plus en fait dans la musique, parce que le gros avantage quand on écrit une partition qu'on l'a fait jouer par des gens, les gens ils ont bossé des années, ils la jouent super bien et tout, alors que moi quand je faisais du piano je pouvais pas dire attendez stop, je reprends deux mesures en arrière et là je vais vous la jouer, ça va être génial. C'était pas possible, donc c'est pour ça que je me suis vraiment orienté vers l'écriture. Et donc j'étais donc dans une école d'arrangement de jazz qui s'appelait le CIM, qui existe toujours, qui s'appelle maintenant l'Infime CIM à Paris. C'était une époque géniale parce que c'était à la base c'était une association qui avait été montée par des musiciens qui s'entraidaient entre eux, qui parlaient, c'était plus un truc de réunion, puis après c'est vraiment devenu une école. Et le truc qui était super intéressant, c'est que j'avais des professeurs qui me demandaient des devoirs à faire à la maison, enfin fallait travailler, là ça me posait pas de problème, et en fait ils nous présentaient ça toujours comme une commande et pas comme un exercice. Donc je pense que j'ai vraiment mordu à l'hameçon, en fait ils m'ont eu. Et donc ce qui était super, c'est que toutes les semaines on avait des musiciens qui venaient jouer nos devoirs, on était obligé de les diriger, donc un coup on avait une formation plutôt jazz, des fois même une fois par an on avait les cordes de l'opéra qui venaient, il y avait des plus grosses formations, enfin c'était un truc super génial. Je me suis vraiment beaucoup amusé à ça et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des choses et que j'y ai vraiment pris goût, et etc etc. Après j'ai fait des études plus classiques, mais c'était toujours dans la même optique. Bon, et pour nous évidemment on t'a rencontré, on t'a connu, même si peut-être il y a eu d'autres choses avant, avec bien sûr l'Inventaire Fantôme. Comment s'est passé, dis-nous une bonne fois pour toutes, comment s'est passée cette rencontre avec Franck Dion, qu'on le sache, que tout le monde puisse le savoir à ce micro. En fait, c'est un super hasard, c'est que moi l'animation c'est toujours un truc qui m'a fasciné, mais en même temps c'est un milieu que je connaissais pas du tout. C'était il y a longtemps, l'Inventaire Fantôme, j'irai pas le nombre d'années, parce que voilà. Et bref, à l'époque, j'étais plus ou moins étudiant, en train de faire mes commandes de devoirs scrupuleusement, et je faisais de l'orchestration aussi à l'époque. Et je ne sais plus comment, c'est l'époque où j'ai découvert le festival d'Annecy, et donc tous les ans, le catalogue d'Annecy fait un catalogue magnifique, avec tous les films sélectionnés, et déjà à l'époque, il y avait le fameux concours de projet. Et donc Franck Dion avait présenté l'Inventaire Fantôme, et donc il y avait une petite page sur le catalogue d'Annecy avec tous les projets présents au concours de cours de projet cette année-là, dont l'Inventaire Fantôme. Il y avait un numéro de téléphone, c'était le numéro de téléphone du réalisateur. Je ne savais même pas qu'il avait gagné le concours de projet à l'époque, j'ai dû l'appeler 6 ou 7 mois après Annecy, et je l'appelle et je lui dis bonjour, je suis compositeur, j'ai vu votre projet, alors qu'il y avait une image et un synopsis, c'était vraiment succinct. Je lui dis ça me fascine, je veux absolument travailler sur votre film. T'as appelé tous les réalisateurs, dis-nous maintenant. Non, vraiment. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai appelé Franck Dion comme ça. Mais c'est peut-être le seul aussi qui avait laissé son numéro de téléphone, j'en sais rien, bref. Et écoute, on s'est rencontrés, et puis on s'est bien entendus. Et de fil en aiguille, un jour il m'a appelé, il m'a dit il y a Didier Brunner qui produit mon film. Donc les armateurs. Et je veux que tu refasses la musique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films d'animation. Et voilà. Donc, l'Inventaire Fantôme, ça a été le grand début, en tout cas pour nous aussi, Festival d'Annecy. Tu viens, t'amènes le festival, tu viens avec le film, pardon, déjà oui, à l'époque ou pas? Oui. On va y arriver. Je suis allé au festival parce qu'à l'époque, la SACEM invitait encore les compositeurs. Ce qu'ils font plus maintenant. Qui avaient des films sélectionnés. Je ne crois pas qu'ils le fassent toujours, ce qui est bien dommage pour plein de compositeurs qui sont jeunes et qui n'ont pas les moyens d'aller à Annecy une semaine, surtout que c'est de plus en plus cher pour tout le monde. Pardon. Donc, bref, voilà, oui, je suis allé à Annecy cette année-là. En plus, il avait eu un prix, si je ne m'abuse. Prix junior, qui était super. Moi, c'était complètement délirant. Je faisais un film. Le film avait un prix. C'était une super aventure et un très bon souvenir. Pour nous, toujours les gens qui ne sommes ni réalisateurs ni compositeurs, comment, c'est toujours une question que je pose, mais qu'à un moment, comment on travaille, par exemple, on va prendre les deux personnes avec qui tu travailles le plus souvent, Franck Dion, Sarah Vandenboom, je suppose. Les connaissant un peu, qui sont quand même complètement différents. Oui. En tout cas, humainement, est-ce qu'ils sont aussi complètement différents de la manière dont tu travailles avec eux? Oui, mais en fait... De manière très concrète, avec les deux, voilà, comment ça se passe? En fait, je pense que tous les réalisateurs sont différents, parce que la musique, c'est un langage déjà à la base qui est super particulier. Même quand on parle avec des collègues compositeurs, on a un vocabulaire commun qui est beaucoup plus établi que si on parle avec un réalisateur. Mais tant qu'on n'a pas une partition ou qu'on n'entend pas quelque chose, on ne peut pas vraiment se comprendre. Donc déjà, la musique, ça devient compliqué au départ. Donc le travail avec les réalisateurs, il est très différent d'un réalisateur à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, avec Franck Dion, il va m'amener des piles de références, on va parler des heures, en me disant « Oui, mais tu vois, là, dans ce morceau, là, ça m'intéresse beaucoup, et puis dans celui-ci, qui n'a absolument rien à voir, qui va être du punk années 70, on va dire, d'un côté. Là, j'adore là, cette ambiance-là, mais aussi, regarde, là, cette symphonie de je ne sais pas qui, c'est aussi super. » Donc avec Franck, on a beaucoup d'échanges comme ça, et après, on fait des allers-retours. Et Sarah, par exemple Et avec Sarah, alors je ne sais pas comment, je me rappelle plus trop comment ça s'est passé sur son. Sur ses deux premiers films. Mais sur Raymond, mais, par exemple, le dernier. Mais là. En fait, Sarah, elle me fait à peu près 100% confiance, je crois. Et j'ai la chance de pouvoir lui apporter ma cuisine. T'arrives dès le storyboard, elle t'envoie son storyboard ou le scénario. Plutôt, avec Sarah, on va travailler plutôt à partir de l'animatique. D'accord. Et puis je commence à travailler à l'image entre guillemets puisqu'elle ne bouge pas. Mais et puis après on fait évoluer avec l'animation qui avance et tout jusqu'à voir le film final. Et Franck va même te pousse même des fois sur une tête disparaît. Il y a eu des parties dans du free jazz, dans des choses un petit peu, c'est-à-dire plus oui. dans des au contraire. Mais c'est intéressant en d'avoir même temps, des. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Là on a un nouveau projet avec Franck aussi où il y aura des choses. Bien différente encore, je crois. Quand on connaît tellement bien un réalisateur, aussi bien évidemment au niveau travail, mais même ami, mm-hmm. est-ce que s'il y a des choses qui sont plus compliquées ou au contraire des choses qui sont tellement plus faciles parce qu'on se comprend quelque part plus rapidement? Je pense que plus on se connaît, plus on se comprend rapidement, mais ça reste difficile parce que on n'est pas dans la tête du réalisateur et le réalisateur il n'est pas dans notre tête. Et puis de la même manière, c'est que quand on fait quand on écrit de la musique pour un réalisateur, même si aujourd'hui on a des machines extraordinaires, on fait quand même des maquettes. Et il y a quand même une grosse différence entre la maquette et la musique finale. C'est un petit peu comme pour parler aux animateurs, la différence entre l'animatique et le film terminé. Donc il y a quand même toujours des ajustements à faire, de savoir où on va, comment on s'organise et d'arriver à se faire bien comprendre. Oui. Est-ce que, par exemple, on pourrait prendre d'autres réalisateurs, mais parlons de ces deux-là, hein, donc ils sont toujours Franck Dion et Sarah Vandenboom, est-ce qu'ils arrivent aussi avec déjà une intention sonore très précise, là je veux de la musique, là j'en veux pas, là il y a ça, et que toi t'as quand même une petite partie. Alors, tu nous disais que Sarah Vandenboom te faisait plutôt confiance, mm-hmm. mais il y a un moment où tu dis, oh, c'est quand même un peu dommage parce que là, peut-être qu'il pourrait y en avoir un peu plus, et voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a des réalisateurs qui vont te pousser à mettre de la musique à des endroits auxquels t'as pas pensé, et c'est complètement normal. Par contre, Franck, il sait exactement où il fait de la musique, il sait là où ça doit commencer et là où ça doit terminer. Mais je suis toujours en train de me battre avec lui pour essayer de lui passer d'autres idées un peu différentes, mais ça, c'est pas un problème. Après, c'est ouais. la cuisine. Il y a un réalisateur, jeune réalisateur, qui a co-réalisé son film, qui s'appelle Francis Gavel, au cours de Régré, qui racontait ses histoires comme ça avec son compositeur, avec les gens qui font du son, en disant « Ah, moi, j'aimerais bien mettre ça !» Et en plus, bon, c'était Yann Volsi, aussi, décidément le même. Est-ce que c'est des vrais combats, c'est-à-dire qu'on mène avec des réalisateurs, ou est-ce qu'il y a des moments donnés où on dit « Non, je te promets, c'est tellement mieux si tu mettais de la musique là. » Et dans ce cas-là, tu composes sur ton temps à toi en disant bah, « Tant pis, je vais lui composer un morceau en plus, mais il va voir comment... » Ça dépend complètement des réalisateurs. Ouais. Il y a des réalisateurs... En fait, je pense qu'il y a deux types de réalisateurs, on va dire. Il y a le réalisateur qui veut tout contrôler dans son film. Il est réalisateur, c'est son histoire, c'est son projet. Quelque part, c'est normal. Mais il y a d'autres réalisateurs qui font un film, mais qui vont laisser plus d'espace à leur équipe, en fait. Et au niveau de la musique, c'est ça, parce que on raconte aussi une histoire avec la musique. Donc il y a des réalisateurs qui vont dire « Ok, tiens, je te fais confiance, fais comme t'as envie. » Il y en a d'autres qui, non, vont avoir une idée très arrêtée. Moi, il m'est arrivé d'écrire, bien sûr, de la musique en plus pour des réalisateurs, en leur disant « Voilà, regarde, ça va être génial, mais ça là. » Et à l'arrivée, me retrouver avec quasiment rien comme musique dans le film. Alors, moi ça me désespère un petit peu parce que j'étais persuadé de mon truc, mais ça veut pas dire que ça fait un mauvais film, mais ça veut pas dire que j'avais forcément raison non plus. T'as un style très très particulier, je sais pas, moi je suis pas musicologue, je ne sais pas, peut-être que Francis pourrait dire, il est tellement meilleur que moi à dire, je sais pas, en tout cas c'est, ou je sais pas, romanesque, en tout cas avec beaucoup de cordes, avec beaucoup de, il y a beaucoup de romans. Décidément, je voulais pas dire ça en plus. Je l'attendais. En plus, non, vraiment. Non, il y a, t'as un style. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Encore une fois, je sais pas s'il est pour un musicien, peut-être qu'il est pas particulier, mais en tout cas, est-ce que les gens viennent te voir en disant, bah tiens, j'ai entendu cette musique assez ample. Enfin voilà, qui. Ça peut arriver. Maintenant, pour en revenir au style. Moi, je sais pas. Je fais ma cuisine. C'est vrai que j'aime beaucoup les cordes. C'est un truc, ça me fascine. Donc j'essaye d'en mettre un peu partout dès que je peux. Mais après, il m'arrive de faire d'autres choses aussi. Là, tu vois, tu disais que j'avais fait du free jazz sur le film de Franck. Mais effectivement, c'est parce qu'il me l'a demandé. Sinon, peut-être que j'aurais fait un truc avec des cordes, finalement. Pierre vient de réaliser sûrement l'une de ses plus belles musiques, en tout cas pour moi, qui est la musique du film Étreinte de Justine Wulstecker, qu'on a déjà reçue ici, qui est une très très belle musique. Et je vois, c'est superbe que tu nous l'as amené. Le film passera pour la première fois au Festival d'Annecy, là, en compétition là-bas. Le morceau dure combien de temps? Je n'ai pas la mode, peut-être. Parce qu'on va changer. Hein, et je pense qu'on peut peut-être le mettre entier. Francis Gavel veut qu'on le mette en entier, donc on va le mettre en entier. Donc, Erwan, je veux bien la piste 2, donc on va voir combien de temps, mais a priori en entier. De rêve, toujours avec longtemps, je me suis couché de bonheur. Alexis Huneau, ici, Francis Gavel. Je l'ai fait exprès, il était loin. C'était vraiment, vraiment à l'antenne dur. Maintenant. Voilà, à l'antenne. Pierre Caillé qui nous parle de son film, de sa musique de film, excusez-moi, je m'y perds un peu, 2h45. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de repartir, on va repartir de ça, on va parler d'étreinte. Hein. J'ai oublié de préciser, mais est-ce qu'on est toujours de préciser la technique? Non, heureusement, étreinte est donc le premier film fait depuis très longtemps en France en écran d'épingle. Francis, tu avais un deuxième petit texte. Et oui, comme ça, je te demande, comme ça, paf, en plein milieu, et on va revenir, ensuite bling, on finira bling, avec sur Pierre, juste après ton texte, après Hervé Leroux, Chris Marker, attention... Un faux Godard. Donc je rappelle que le livre d'images, le dernier essai cinématographique de Jean-Luc Godard, donc, a été présenté hier au Festival de Cannes. Et avant que le film soit présenté, d'un seul coup est arrivé sur Internet un court-métrage inédit de Jean-Luc Godard qui prenait fait et cause pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et on trouvait ça sur le site lundi matin. Donc un site plutôt très ancré à gauche. Et... voilà, qui était une lettre ouverte à l'intérieur de ce court-métrage, une lettre ouverte de Jean-Luc Godard qui prenait fait et cause pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et donc finalement, en ce moment de commémoration de cette fameuse édition de mai 68 du Festival de Cannes, où entre autres Godard avec, à l'époque, Polanski, Truffaut avait... obtenu l'arrêt du Festival de Cannes, on se disait, ben voilà, c'est l'action de Jean-Luc Godard cette année, c'est sa nouvelle action militante. On s'est aperçu, après enquête, notamment Mediapart, que, en fait, c'était un faux. Ça n'était pas un Godard, mais c'était effectivement quelque chose de très bien imité sur le style visuel dans les essais récents de Jean-Luc Godard, que sur le texte pouvait être une pensée godardienne. Et donc je me suis dit qu'en cette journée où on faisait dans ces 4 heures d'émission un hommage transversal, on va continuer après avec des choses pas possibles encore, mais en musique, aux luttes de mai, et ben on pouvait aussi lire. Ce texte qui est la voix off donc de ces 5 minutes, qui est donc pas la voix off de Jean-Luc Godard. Je sais pas si c'est des montages d'extraits pris à droite et à gauche de phrases de Godard, ou si c'est carrément quelqu'un qui s'est dit moi aussi je peux faire aussi bien que Louis Garrel dans Le Redoutable, et je peux aussi imiter Godard et avoir un engagement. Et il se trouve quand même que ce texte est, quoi qu'on en dise, très intéressant. Sur la réflexion, on parlait justement tout à l'heure avec Olivier dans Un homme est mort de René Vautier, de est-ce qu'une caméra c'est un outil militant ou pas, c'est politique d'avoir une caméra. On en parlait avec Hervé Leroux, on en parlait avec Chris Marker, on peut en parler là encore, et il en parle. Donc voici ce texte qui est un faux Godard, mais qui vaut quand même le coup. Autrefois, il n'y avait que des cinéastes, on ne parlait pas de techniciens. Méliès, Albert, Grémillon, les mains des monteuses soviétiques, comme celles des ouvrières de la Rodia, disaient l'exception partout où l'on aménageait la règle. Vinci, Darty. Aujourd'hui, c'est le règne des techniciens, techniciens de grande surface, de télémobile, techniciens de l'audiovisuel, de la gendarmerie. Le cinéma s'est niché dans chaque arcane du capitalisme. La technique a pris le pas sur le geste et l'humain a déserté l'œil de celui qui regarde. Ceux qui croient à la technique la disent objective, là où elle n'est qu'objectif. Objectif de sécurité, de surveillance, de peur, de mort. Et la mort, pour ne pas avoir trop peur, a substitué à son propre silence non pas le son d'outre-tombe, mais d'outre-vie. Le son latent de l'agonie, celui du capitalisme, de la catastrophe permanente. L'industrie et ses machines ont toujours généré leur propre musique, des images et des sons émis par la vie et comme subtilisés, retransmis par une agonie et destinés à la mort, aux structures de la mort. Et dans ces structures de béton, fleurit toujours dans les interstices, là où l'humidité subsiste encore, cette herbe que l'on dit invasive lorsqu'elle ne fait que protéger de l'érosion. Et c'est le gourbi, le far west, les sans-noms. Inverser la trajectoire, revenir à la vie depuis la mort, supprimer l'agonie, supprimer l'agonie. Après, le cinéma commence à grandir, après les faux Rembrandt, après les faux Godard, ça y est, le cinéma devient un art à part entière. Pas facile d'enchaîner après ça, mais on va enchaîner. Pierre, on a entendu la musique, donc une musique d'étreinte qui n'est pas... dans le film, c'est ça ou... Non, c'est la musique du film. C'est la musique du film. Hein, C'est toute la musique du film. Le film, donc, pas grand monde l'a vu. Le film donc, passera pour la première fois à Annecy. Tu as travaillé aussi sur L'Ogre de Lorraine Brébant. Donc, de jeunes réalisatrices comme ça, c'est important d'essayer de travailler avec d'autres personnes et pas forcément Justine Bustecker, c'est son premier film professionnel. L'Ogre, c'était son, le deuxième pour Lorraine Brébant. Oui, mais ça reste des films et donc ouais. il y a plein de choses à dire. Après, je crois que c'est intéressant de travailler. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler sur des images et après savoir si le réalisateur il a fait 250 films ou deux films. Je crois pas que ce soit super important. L'important, c'est qu'il ait quelque chose à dire. Alors, ma question, il y en a un qui est en noir et blanc, assez oui. intimiste, alors qu'il y en a un autre qui est en couleur et qui. Voilà. D'un seul coup déborde partout. Comment on travaille dans ces deux styles et deux genres complètement différents? Ah, c'est compliqué comme question, mais déjà il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le travail avec chaque réalisateur est déjà différent à la base, et en plus chaque réalisateur a un style d'image et de narration et de choses à dire aussi différentes. Donc je crois que j'ai pas envie de savoir comment ça se passe quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cuisine automatique qui se fait dans ma tête quand je regarde les images, enfin en tout cas j'essaye, et il en sort quelque chose, de la musique dans un style ou dans un autre. Alors effectivement il y a toujours des contraintes de production, c'est que je vais pas écrire de la musique symphonique si on me dit on pourra te payer 3 musiciens, et donc déjà j'ai quand même un petit une petite idée de l'endroit où je dois me diriger quand même, mais je sais pas comment ça marche, je ne sais absolument pas, je peux pas expliquer. C'est vraiment une espèce d'alchimie à un moment donné qui se passe ou pas d'ailleurs avec le réalisateur. On va pas te demander avec quel réalisateur ou réalisatrice ça s'est pas bien passé, mais non mais je suppose que c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est à un moment donné il y a quelque chose, il y a un dialogue qui se fait et puis on se dit bon bah c'est bon, et puis des fois malheureusement oui, même en plus de l'alchimie avec le réalisateur, il y a aussi l'alchimie avec son film surtout, ouais. qui est le plus important quand on fait de la musique, je crois, parce que bon après avec un réalisateur ça peut se passer bien ou mal, mais la base du truc c'est quand même d'écrire de la musique pour le film. Donc comment on dialogue pour voir qu'on parle bien du même film? C'est partout, hein, on peut parler avec Tuttingsen, mais par exemple musicien, je répète toujours et inlassablement la même chose, où c'est Jean-François Laguni qui disait, je ne sais plus pour quel musicien, qui parlait couleur ou qui parlait salé, sucré, qui parlait de choses comme ça. Est-ce que il y a ça, ou est-ce que parce que tous les gens en face de toi font des images, ne sont pas forcément musiciens, n'ont pas forcément ce langage comme tu dis? Non, je pense quand même que la plupart des réalisateurs dans l'animation par exemple aujourd'hui savent quand même ce qu'ils veulent. Ils vont m'expliquer que là ils voudront plutôt de la musique classique, ou là ils voudront plutôt du rock. Déjà c'est quand même relativement précis, et dans l'animation ça m'est jamais arrivé qu'on me parle de couleurs. Par contre, quand je travaillais dans la publicité, ça m'arrivait très souvent. Ouais. Oui, tu veux pas me refaire ça en un peu plus bleu, s'il te plaît? Et là, tu fais oui, bien sûr. Il y a pas de problème. Et tu fais non, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Mais non, je pense qu'il y a quand même une base de langage commun et qu'on arrive toujours à discuter. Après, c'est aussi à moi de faire des propositions, et c'est tout l'intérêt de faire des maquettes. Tu fais écouter des choses aux gens, ils disent bon ça c'est super, mais cette partie ça m'intéresse pas, ou là c'est pas absolument pas ce que je veux. Alors le but c'est d'éviter de faire 250 allers-retours et de se planter 10 fois de suite, parce que sinon on y passe tous notre vie. Et puis c'est payé les maquettes, pour qu'on sache, nous, ou non? Ça c'est, vous êtes payé quoi, sur un temps, sur un certain nombre d'heures, et puis non, après c'est une histoire de forfait, ouais. Puis c'est une histoire de production, ça dépend avec comment tu travailles, enfin avec qui tu travailles, sur quel film, sur quel projet. Mais en général je suis pas fonctionnaire en disant bon voilà, alors ok, je vais faire la musique de ce film là j'ai 5 jours. Je travaille pas en jour, je travaille pas en heure, c'est pas possible. Et puis moi j'aime ce que je fais, donc c'est vrai que je compte pas forcément. Alors des fois ça me retombe dessus, je me dis merde, j'aurais dû peut-être faire quelque chose d'autre, mais c'est pas le souci. Le principe c'est de faire quelque chose qui va sur le film. Le fait de tenter cette nouvelle aventure, en tout cas t'es arrivé un petit peu après Képapi 3D, même si tu le connaissais depuis longtemps, de production, c'est quelque chose qui te tenait à cœur à un moment donné, ou c'est arrivé comme ça, c'est des amis, tiens ça m'intéresse? C'est rare des musiciens qui font de la production plutôt d'image, on va dire. Oui, mais il faut bien quelqu'un au milieu pour mettre le bazar au milieu de tous ces réalisateurs quand même. Non, je trouve que ça, par contre Papy 3D c'est une super belle aventure. En fait dès le départ ils voulaient que je m'associe avec eux au moment de la création, et puis j'ai toujours un peu traîné les pieds jusqu'au moment où Franck il m'a dit oh mais non c'est maintenant, c'est comme ça, tu viens, et j'ai pas eu le choix. Mais en fait je regrette absolument pas. En général, quand on me demande quelque chose, la première chose que je dis, c'est non, c'est pas possible, ou non, je suis pas d'accord. Et après, il faut que je réfléchisse un peu. Et quand j'y trouve mon intérêt, je dis oui aussi. Donc, bon, après, quand je dis j'y trouve mon intérêt, Papy 3D, c'est pas forcément un intérêt financier, même si c'est une société de production. On n'est pas tous en train de fumer des gros cigares et se faire des gros chèques à la fin du mois. On n'est pas des producteurs dans ce sens-là. Au contraire, tout à l'heure, tu parlais des luttes, du fait d'avoir un salaire pour tout le monde, et nous on est plutôt axé là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas une production communiste non plus, on n'est pas tous payés pareil, mais on a en tout cas il y a une volonté de tenter, on prend pas de stagiaires non payés, même très peu de stagiaires, ouais, et tout le monde est payé au minimum syndical dans tous les cas, sur tous les films, et fait pas des heures sup à travailler tous les soirs. À chaque fois que je rencontre un compositeur ou qui vient ici, il y a souvent des batailles avec le mix, avec les gens qui font le mixage. Je sais que c'est l'un des trucs entre les deux. Après, c'est toujours délicat. Alors, moi, c'est vrai que je fais un petit peu les deux, parce qu'il m'arrive aussi de faire du sound design, plutôt souvent, en plus de la musique. Alors, sur les films où je fais les deux, c'est très facile, parce que je me bats avec moi-même. Mais c'est normal. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une personne qui a travaillé X mois sur le sound design. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui a travaillé X mois sur sa musique. Forcément, il y a un moment où la personne qui a fait le son, il voudra qu'on entende plus le son, et la personne qui a fait la musique, voudra qu'on entende plus la musique. Mais en règle générale, ça se passe bien, parce qu'on se connaît tous, et que on arrive toujours à des compromis, et puis on part toujours dans l'intérêt du film aussi, de toute façon, on n'est pas bête. Voilà. Donc nos deux premières heures étaient plutôt politiques, les deux dernières le sont un peu plus sur la musique. Pierre, c'était aussi parce que on va commencer dans pas longtemps une bataille musicale, mais aussi évidemment tout ça mis en place évidemment par Francis Gavel. Vous le connaissez, il aime bien ce genre de choses. Là, vous le voyez pas. Un jour, j'aimerais qu'on mette juste une caméra pour le voir. Il fonce dans tous les sens tout le temps. Francis, c'est quelqu'un qui aime bien comme ça. Il a toujours un peu peur, tout ça. Je vous raconte tout en fait. Je vous raconte comment Francis fait son émission. Mais là, ça y est, c'est bientôt à lui. Merci beaucoup à Olivier, à Pierre et à Antoine d'être passés. Nous avons quasiment terminé notre troisième heure de direct et on va finir avec un générique final. Il y a des morceaux qu'on découvre tard, puis on se rend compte qu'après ce sont finalement des tubes. Alors c'est le numéro 2, hein. C'est la piste 2, Erwan. Puis on se rend compte qu'après tout ce sont des tubes. Celui-ci, je l'ai découvert entre deux jeans japonais du meilleur goût. La scène berçait doucement et d'un seul coup... sublime illumination, ce morceau, un morceau qui donne envie de mourir, de renaître, de mourir, de renaître, ne serait-ce que pour le réécouter indéfiniment. Je regardais les étoiles ce soir et je pensais que le soleil luisant me manquait. Je serai un rêveur jusqu'à ce que je meure, j'espère aussi. On écoute donc The Stramblers, Spirits. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Dream until the day I die. never